microscope, tu as l'air de t'amuser à vouloir nous démontrer une universalité de la chute libre. Microscope, et tu me laisses galérer tout au long de la soirée. Pour chaque chanson, je dois trouver une chute. Ou pas, parce qu'après tout, je suis un homme libre. Absolument. Bien joué. Tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. Mais on va voir pour la suite, parce qu'il va être question de dimension de l'espace, de théorie des cordes, de force de l'univers, de nouvelles particules. Donc on t'attend au tournant. Facile. D'accord, facile. Ok, parfait, parfait. Donc bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence. Vous savez probablement que le CNES s'est lancé dans une aventure tout à fait étonnante. Le CNES, donc l'Agence française de l'espace qui organise cette soirée, une aventure étonnante. Il s'agit de vérifier si ce qu'on appelle le principe d'équivalence est bien vrai. Ou s'il ne l'est pas. Donc c'est ce principe qui a pour conséquence qu'en l'absence d'atmosphère, quand on laisse tomber une plume et un marteau, eh bien ils arrivent en même temps au sol. Ça a été vérifié sur la Lune, il y a même des images célèbres d'un astronaute qui laisse tomber effectivement un marteau et une plume et tous les deux arrivent en même temps au sol. C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence, en tout cas c'est une des conséquences de ce principe qu'on voit là. Mais arrivent-ils vraiment ensemble au sol ? C'est une vraie question qui est posée avec microscope. Si on arrivait à démontrer qu'ils n'arrivent pas tout à fait ensemble, ça ouvrirait une brèche dans la relativité générale. Parce que ce principe d'équivalence, eh bien, la relativité générale est bâtie sur lui. Si on ouvrait une brèche dans le principe, eh bien, la relativité générale serait... partiellement, en tout cas remise en question. En tout cas, il faudrait trouver une autre théorie physique de la gravité plus grande que la relativité générale. Alors, pour défier Einstein, pour voir si Einstein a vraiment raison ou si on ne pourrait pas lui tordre un peu le bras et puis montrer qu'il a tort, eh bien, le CNES satellite français a donc créé ce satellite français qui s'appelle Microscope. Donc, il va effectivement être question ce soir de force de l'univers, de nouvelles particules, de dimension de l'espace, de théorie des cordes. Et on va en parler avec vous, avec vos questions. Et on les attend, nombreuses. Je vais venir avec, jusqu'à vous avec un micro et puis avec nos intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Isabelle Petitbon et Joël Berger. Bonsoir à tous les deux. Est-ce que vous voulez bien prendre un micro et nous dire qui vous êtes ? Isabelle Petitbon. Bonsoir à tous. Mon nom est Isabelle Petitbon et je suis responsable programme physique fondamentale au CNES, c'est-à-dire que je m'occupe au niveau programmatique de toutes les expériences qui ont trait justement à la relativité générale, dont microscope. Alors ça fait uniquement un an et demi que j'occupe ce poste et j'ai trouvé entre autres dans le portefeuille d'activité cette magnifique mission qu'est microscope. On vous a bien accueilli là quand vous êtes arrivé. Ah oui, là j'ai beaucoup de chance, je dois dire que qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mission qui s'intéresse aux questions de physique fondamentale en ce moment dans le portefeuille du CNES. Alors, ce dont on parle beaucoup également en lien avec la relativité générale, ce sont les ondes gravitationnelles dont vous avez certainement entendu parler avec la détection de la fusion de plusieurs de binaires de trous noirs dans les dernières années. Et en août l'année dernière et annoncé en octobre l'année dernière, la fusion de deux étoiles à neutrons avec des contreparties électromagnétiques dans tout le domaine du spectre. Ce qui veut dire que c'est une autre confirmation tout à fait extraordinaire de la relativité d'Einstein, puisque on détecte des ondes gravitationnelles. Comme Einstein l'avait prédit. Voilà. Et ça ne nous arrange pas parce que justement, on voudrait montrer que Einstein a tort. Et oui, mais pour le moment, c'est un des paradoxes dont peut-être on parlera ce soir. C'est qu'effectivement, on sait que la relativité générale n'est pas complète. Elle ne peut pas décrire l'intégralité de l'univers. Et néanmoins, ces dernières années, elle a engrangé des succès magnifiques, dont microscope et les ondes gravitationnelles. Et donc, dans les ondes gravitationnelles, il y a eu un précurseur techno qui a été lancé en fin 2015, donc l'ISA Pathfinder, qui est également un très grand succès. Et maintenant, on se prépare à un observatoire d'ondes gravitationnelles dans l'espace, LISA. Voilà, donc il y a microscope pour ce principe d'équivalence. Et puis, on voudrait effectivement observer des ondes gravitationnelles depuis l'espace avec un système spatial, des satellites, donc qui composerait ce qu'on appelle le système LISA. Voilà. Et puis, Joël Berger, bonjour. Bonsoir. Donc, je suis Joël Berger. Je suis ingénieur de recherche à l'ONERA. Et donc l'ONERA a conçu et construit l'instrument de microscope. Donc c'est un projet entièrement en collaboration très très proche entre l'ONERA et le CNES. Et donc l'ONERA est responsable donc de l'instrument, de l'exploitation de l'instrument, de l'exploitation des données, de l'analyse des données. Et moi je suis particulièrement intéressé par tout ce qui est analyse de données, donc je suis très impliqué dans la petite équipe qui s'occupe d'analyser les données microscope et de faire de la science avec. Faire de la science avec. Alors microscope a déjà publié ses résultats, une partie des résultats. Alors on a le début de notre réponse à la question est-ce que le principe d'équivalence est vérifié ou pas. Je vais vous poser la question dans quelques instants, mais juste avant ça, j'ai trois petits messages. L'un, c'est que vous pouvez tweeter sur CNES TweetUp pour participer à cette soirée, mais sur Twitter. Hein, nous avons ici des tweetos qui sont présents et qui sont en train d'animer justement cette soirée. Bonsoir à tous. On me reproche à chaque fois de ne pas me présenter. Je m'appelle Paul Debrême et je suis animateur d'événements scientifiques. Voilà, c'est fait. Et puis, je voulais quand même que vous n'oubliez pas que le mardi de l'espace, le mois prochain, deviendra un mercredi de l'espace, puisqu'on se retrouvera non pas le mardi 13, mais le mercredi 14 février, ici, à 19h30, pour parler d'espace et d'éthique avec Étienne Klein et Jacques Arnoux. Et oui, je crois que c'est la première fois que Étienne Klein participe au Mardi de l'espace. Donc ce physicien très renommé, Jacques Arnoux, lui, c'est un habitué, hein, pour le coup. Alors, j'ai envie de me retourner vers vous, Joël Berger. Dites-nous ce qu'on dit, ces premiers résultats de microscope. Est-ce qu'on a ouvert une brèche dans le principe d'équivalence, ou est-ce que le principe d'équivalence et donc la relativité générale tiennent toujours aussi bien et solidement sur leur base? Ben, malheureusement, enfin, on va pas dire malheureusement, mais bon, la relativité générale est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours debout. Ouais. Mais donc, le principe d'équivalence, on n'a pas détecté de violation, mais on a amélioré énormément la précision avec laquelle on l'avait mesuré. Donc, je sais pas si vous allez parler de vos figure ici, ou si je peux déjà... Allons-y. Tourner, donc je ne sais pas si vous voulez qu'on aille page 4, j'ai l'impression. Et page 3. Page 3, d'accord. Alors, vous avez ce petit livret, n'est-ce pas? Et vous pouvez aller sur vos tables, et vous pouvez aller page 3 tout de suite, où vous emmène Joël Berger. Alors, page 3, qu'est-ce que... Donc, page 3, c'est l'historique des tests du principe d'équivalence. Non, ça a commencé, non, c'est pas neuf. Avant qu'on commence à aller dans l'histoire, d'accord. Je pense qu'il va falloir qu'on raconte, qu'on explique un peu de quoi il retourne. Hein, parce ok, donc on va, ça, aller on va pas y suite, couper. On va aller de alors, suite. Oui, c'est ça. Restons là sur le microscope déjà. Donc, vous l'avez testé dans l'espace. Et donc, vous n'avez pas vu de différence dans la manière dont deux corps différents chutent, finalement. C'est ça, non, la question. Avec la précision avec laquelle on fait nos mesures, pour l'instant, il n'y a pas de différence. Les deux masses d'épreuves de composition différentes tombent de la même manière. D'accord. OK. Et alors, on l'a fait avec quelle précision? Là, il y a écrit 10-15, mais on n'est pas encore 10-15. On n'est pas encore 10-15, on est à 2-14. Deux fois 10-14, mais avant, on était à 10-13, hein, c'est ça? On était à quelques 10-13. Environ... Donc, on a amélioré d'un facteur 10. On a amélioré d'un facteur 10, quand même, la précision de l'expérience. Isabelle Petitbon, alors des commentaires, justement, sur ce résultat? Ah ben, c'est exceptionnel. Gagner un facteur 10 d'emblée... Dans de la métrologie, quand on arrive à des niveaux de cet ordre-là, c'est exceptionnel. Donc on a beaucoup de chance. Et en même temps, il faut voir aussi qu'il y a eu énormément de travail et beaucoup, beaucoup de matière grise qui a été mobilisée pour en arriver, pour concevoir ce satellite, cet instrument. C'est l'instrument dont parlait Joël, est conçu par l'ONERA. C'est un véritable, c'est un bijou de métrologie. Qu'est-ce que c'est la métrologie ? Alors, la métrologie, c'est la science de la mesure. C'est, quand on veut mesurer quelque chose de façon précise, on parle de métrologie. Qu'on aimerait bien, c'est donc ouvrir une brèche dans cette relativité générale, hein, pour ouvrir sur quelque chose de nouveau. C'est pas le cas jusqu'ici, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot, Isabelle Petitbon et Joël Berger. Isabelle Petitbon. Non, nous n'avons pas dit notre dernier mot, puisque les résultats qui ont été publiés en décembre l'année dernière et dont vient de parler Joël utilisent 10% à peu près des résultats scientifiques qui avaient été accumulés entre le début de la mission scientifique fin de l'année 2016 jusqu'à décembre 2017. 10% des données scientifiques ont été traitées. Et sachant que depuis le mois de décembre, Microscope continue sa mission scientifique, a priori jusqu'au mois de mars de cette année. Donc on a encore beaucoup de données qui sont à exploiter et qui vont permettre d'améliorer le résultat. Alors, est-ce qu'on peut un peu entrer dans cette science, justement? Il va falloir s'accrocher un peu. C'est le moment un peu costaud de la soirée, là. Je vous demande votre attention. Ah. Une petite distraction avant l'effort. Voilà, mets-nous en condition, là. C'est sympa. On voudrait qu'Einstein ait tort. Oui, de lui, on se croit plus fort. Mais lui passe son temps à rire là-haut. Et encore, la langue nous l'attire. La langue nous l'attire, bah oui, il continue. Hein. Ouais. Il est célèbre pour ça. Il se fiche encore de nous, hein, ce vieil Einstein. Bon, d'accord. Alors, qui se lance? C'est Joël Berger qui s'y colle, non? Page 5? On peut aller page 5. Page 5, on va commencer page 5. Donc alors, on peut dire dans le principe d'équivalence. Donc il y a plusieurs, on peut le décrire de plusieurs manières, il a plusieurs formulations. Donc la formulation la plus simple, dont vous avez déjà parlé, et dont monsieur a chanté même, c'est que c'est l'universalité de la chute libre. Donc ça veut dire que tous les corps, indépendamment de leur composition, tombent de la même manière dans un même champ gravitationnel. Et indépendamment de leur composition et indépendamment de leur masse aussi. Indépendamment de leur masse aussi, oui. C'est ça. Donc si on laisse tomber 30 kg de plomb et 1 kg de plume, ils vont arriver en même moment par Terre. En l'absence d'atmosphère. Parce que sur Terre, quand ils sont soumis qu'à leur poids et qu'il n'y a pas l'atmosphère pour les freiner. Que rien ne les freine. Exactement. Ce qu'on appelle la chute libre, c'est ça. Rien ne me freine. C'est ça. Ok, je suis vraiment attiré. Il n'y a aucune autre force qui s'exerce sur moi. D'accord. C'est ça. Même la chute libre, on pourrait aller plus loin, mais bon, c'est l'absence de force. C'est ce qu'a dit Einstein. Quand on est en chute libre, on ne peut pas savoir si on est en chute libre. C'est qu'il n'y a aucune force autre que le poids donc, qui s'applique à nous. D'accord. Alors, ça c'est clair, ça c'est simple, je dirais même, mais ça se complique quand même, parce qu'il y a l'autre manière, et il va falloir passer par cette notion de la masse inerte et de la masse grave, parce qu'on ne va pas y échapper, parce que microscope... Oui, parce que c'est ça qui quantifie le principe d'équivalence faible. Ouais, alors allons-y, alors page 5. Donc alors la masse, donc, c'est quelque chose, voilà, c'est intuitif la masse, tout le monde sait ce qu'est la masse. En fait, ça n'est pas tant que ça. En fait, il y a deux types de masse. D'accord. Donc, il y a d'abord la masse inerte. Donc, c'est la masse qui s'oppose au mouvement. Donc, tout le monde l'a déjà expérimenté. Quand votre voiture tombe en panne et que vous devez la pousser ou la monter sur le trottoir, ce n'est pas facile. Elle résiste. C'est pas uniquement parce que le sol la retient, c'est aussi parce qu'elle-même a une masse qui retient, qui crée de l'inertie. Donc, qui s'oppose au mouvement. D'accord, elle s'oppose au mouvement, ok. Ensuite, il y a un deuxième type de masse, c'est la masse grave. Et dans celle-là, c'est celle qui répond à la gravité. Donc, si vous lâchez un objet, il va tomber sous l'effet de son poids, sous l'effet de la gravité, donc il va accélérer. Et donc, cette masse dit comment le corps accélère, comment le corps se meut avec la gravité. Mais comment est-ce qu'on sait que ce sont deux masses différentes? C'est parce qu'en fait, ce sont les équations. Parce que ce sont deux concepts différents. D'accord. D'un côté, c'est l'inertie, donc qui fait que. Dans l'inertie, dit que voilà, si on est au repos, on reste au repos, et si on est en mouvement, on continue son mouvement. Et la masse grave, donc c'est vraiment la définition du poids, celle qui rentre dans la définition du poids. Dans le poids, c'est la masse grave multipliée par l'accélération de la gravité. Okay, donc, ce sont deux concepts différents. Deux concepts différents de masse. Deux concepts différents, d'accord, avec deux masses différentes, donc qui a priori n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'accord, ok. Bon, jusqu'ici j'ai à peu près suivi. On passe à l'étape suivante. Qu'est-ce que c'est l'étape suivante ? L'étape suivante, donc c'est Galilée qui s'en est aperçu le premier. C'est que, a priori, ces deux masses qui n'ont rien à voir entre elles... Lui, il avait déjà les notions de masse grave et de masse inerte ? Il n'avait pas tout à fait ces notions-là, mais il avait une notion de chute libre. Et il s'était aperçu que tous les corps tombaient de la même manière. Alors qu'il, n'était pas en mesure de s'affranchir de l'atmosphère. Non, mais si vous prenez juste des boules de papier ou de bois, l'atmosphère ne joue pas énormément. Et même Galilée était plus rusé que ça. Il ne laissait pas tomber, mais il avait des plans inclinés. Et donc, il regardait la chute le long de plans inclinés. Donc, comme ça, on n'a pas l'atmosphère qui nous retient. On a le frottement du plan incliné, mais c'est quand même un peu plus propre, un peu plus facile à mesurer. D'accord. Ensuite, les concepts de masse inerte et masse grave, c'est plutôt Newton qui les a introduits. Ok. Un peu plus tard. Et donc, on a ces deux masses qui sont a priori, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et ce dont on s'aperçoit avec l'expérience, c'est qu'elles ont l'air d'être égales. Elles ont l'air d'être égales, oui. Et donc, c'est ça qui a amené Einstein. Einstein a remarqué ça. Il s'est dit, tiens, c'est marrant, ça. Et c'est ce qui l'a amené à formuler le principe d'équivalence dans sa formulation moderne et à développer la relativité générale. Le principe d'équivalence, c'est mi égale mg, c'est ça. C'est ça. Enfin, c'est la masse inerte est égale à la masse grave. C'est l'égalité. Ça, on le doit à lui. On le lui doit. On le lui doit. Enfin, c'est lui qui l'a formalisé de cette manière-là, mais on le savait déjà. L'expérience le donnait déjà avant. Isabelle Petitbon. Juste pour ajouter que quand Newton a travaillé sur la gravité, il avait remarqué lui qu'il y avait proportionnalité entre la masse grave et la masse inerte. Et il a posé par convention que le rapport était égal à 1. Et toutes les expériences que lui a pu faire ou que d'autres scientifiques ultérieurement ont pu faire ont montré que cette égalité était vérifiée. Et ensuite, effectivement, comme l'a dit Joël, Einstein a fait de cette égalité un postulat dans le cadre de la relativité générale. Alors, on a beaucoup testé ce principe d'équivalence. Est-ce qu'on peut raconter, donc aller justement page 3, là, avec Galilée, Newton, Bessel, Edvos, Dicky, Adelberger et Microscope, Isabelle Petitbon ou Joël Berger, d'ailleurs, comme vous voulez. Bon, je peux y aller. Donc, j'ai déjà parlé de Galilée. Donc ici, il y a une illustration de la tour de Pise. Donc c'est une légende, finalement, qu'il aurait fait tomber des corps de la tour de Pise. Donc, comme je le disais, il a plutôt fait sur des plans inclinés. Bon, ça, c'était il y a 400 ans, déjà. Donc, il avait une précision de l'ordre de 10-3. Bon, c'était pas... Ah, qu'est-ce que ça veut dire, une précision de 10-3 ? Ça veut dire qu'il montrait que... Donc, alors, bon, on va revenir au concept de masse inerte et masse grave. Donc, on mesure le principe d'équivalence par ce paramètre qui est en haut à gauche là, du graphique de la page 3. Donc, qui est le paramètre d'Edvos, donc noté eta, qui est... finalement la différence d'accélération entre deux corps en chute libre. Donc l'accélération, c'est les A1 et A2. Et ça, on peut montrer que c'est égal à la différence des rapports de la masse grave sur la masse inerte. Et donc si ces rapports sont des constantes universelles, donc s'ils sont les mêmes pour tous les corps, alors la différence sera nulle, donc ce eta sera nul. Et on veut essayer de montrer que c'est nul. Avec une certaine précision. Donc, quand on fait des mesures, on n'a aucune mesure absolue avec une précision infinie. Donc on sait que c'est égal à zéro plus ou moins quelque chose. Et donc c'est ce quelque chose qui est montré sur l'axe vertical, donc à droite. Donc on est précis au millième, là avec 10-3, on est précis au millième et on est capable, avec cette précision au millième, de voir qu'effectivement les deux masses sont égales. Exactement. Alors avec Newton, là, qu'est-ce qu'il a fait Newton ? Donc, Newton a développé des pendules de torsion. Des pendules de torsion ? Voilà, donc là ça devient un peu plus compliqué. Donc un pendule, dont tout le monde sait ce qu'est donc quelque chose qui oscille. Ouais, c'est tournesol. Hein. Voilà, mais le pendule de torsion c'est un peu différent. Ensuite ça a été bien mieux développé par Edvos et Dicky dans les années 1900 et 1960. Alors Bessel, Edvos, tout ça c'est ce qu'on voit, les petits dessins, là, ce sont des pendules de torsion. Et Dicky aussi, ouais. Et Dicky aussi. En fait Dicky a énormément amélioré le pendule de torsion de Edvos. Ça consiste en quoi le pendule de torsion ? Donc de manière très simple, c'est vous prenez une tige horizontale qui est maintenue par un fil vertical dans son centre. Donc son seul support, c'est ce fil-là. Et vous mettez deux masses de composition différente aux deux bouts de cette tige. Et donc là, ce qui va être rigolo, c'est que donc vous avez le poids qui s'applique à ces deux masses. Et comme la Terre tourne sur elle-même, il y a une force d'inertie due à la rotation de la Terre qui s'applique aussi à ces deux masses. Et donc vous avez les rapports de la masse inerte sur la masse grave qui interviennent. Et donc si elles sont de composition différente et que donc ces deux rapports sont différents pour les deux masses, donc ce que vous allez voir, c'est que le pendule va se mettre à tourner. Et donc voilà, c'est cette rotation qu'on essaie de mesurer. Donc c'est ce que Advos et Dickey ont fait, ce qui leur a permis d'avoir des précisions, d'améliorer les précisions d'un facteur d'un million par rapport à ce que faisait Galilée. Oui, ils sont arrivés jusqu'à 10-9. Hein. C'est ça. Ouais, ok. Alors ensuite, peut-être que c'est Isabelle Petitbon qui peut nous raconter ce qui se passe en 1994, là. Alors, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, puisqu'on a la chance en France d'avoir une station laser qui permet de tirer sur la Lune. Elle est en France. Alors, il y en a plusieurs de par le monde. Il y a tout un réseau de stations laser qui permettent de tirer soit sur des satellites artificiels, soit sur la Lune, puisque lorsque soit des astronautes américains, soit des automates russes ont déposé des coins de cube sur la Lune, ce qui fait qu'on peut envoyer un faisceau, une impulsion laser sur ces coins de cube. L'impulsion est réfléchie sur les coins de cube et revient au sol, sur Terre. Donc on peut mesurer de façon extrêmement précise la durée de cet aller-retour. Et l'intérêt Et donc la distance. Et en fait, les deux sont intéressants. Ce que ça nous permet de faire, c'est de calculer de manière extrêmement précise l'orbite de la Lune par rapport à la Terre. Et ce que ça permet également de faire, c'est de regarder que la Terre et la Lune sont bien en chute libre autour du Soleil de la même manière, ce qui est une autre façon d'approcher le principe d'équivalence, puisque la Terre et la Lune ont des masses, des dimensions, des compositions tout à fait différentes. Donc c'est une façon complètement différente. Là, on retrouve le principe, on va dire, de chute libre, alors que le pendule de torsion, c'est une mesure de rotation. Voilà, c'est une autre façon de tester le principe d'équivalence. Et effectivement, on a une station de ce réseau qui est à l'Observatoire de la Côte d'Azur. La station laser est installée sur le plateau de Calerne, au-dessus de Grasse. Et on a effectivement la chance en France d'avoir l'une de ces stations qui participe à ce type de mesure. Bon, on a fait le tour, ou est-ce qu'on parle d'Adèle Berger aussi ? Je pense qu'on va parler d'Adèle Berger, parce que c'est quand même l'équipe qui a trusté, qui était la numéro 1 pendant 20 ans quand même, depuis le début des années 90. Ah, quand même. Donc qui avait amélioré les mesures du Lunar Zen Range, donc, dont Isabelle vient de parler, d'un facteur 10 ou 100. Et donc c'est vraiment la mesure qui faisait référence jusqu'à ce que Microscope arrive l'an dernier. Alors Microscope, donc, on teste le principe d'équivalence. On a déjà eu les premiers résultats. Ils montrent que pour l'instant ce principe d'équivalence n'est pas violé. Hein. On n'a pas montré qu'effectivement il était violé. Est-ce que vous avez réussi à garder le secret ? Parce qu'en fait la publication c'était quand ? C'était le 4 décembre. Voilà, donc on a publié le 4 décembre, mais en fait, vous le saviez depuis des mois et des mois. Oui, depuis février ou mars. Voilà, donc ça faisait 10 mois que vous saviez voilà. Déjà. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 mois ? Pendant 10 mois, on a écrit un article, on l'a fait accepter par nos pairs dans la communauté scientifique. Donc quand on écrit un article, on doit le soumettre à un journal, donc il est soumis à des... Donc, c'est ce qu'on appelle la vérification par les pairs. Donc, il passe à travers des experts. Par d'autres scientifiques, oui. Et donc, ça prend un peu de temps. Et il faut dire que voilà, ça a pris un certain temps. Et on était prêts à... Donc, l'article a été accepté courant novembre. Puis ensuite, le temps que le CNES mette en place une conférence de presse. Ils ont été très, très efficaces, il faut dire, pour leur conférence de presse. Et donc, le 4 décembre, on était prêts à annoncer les résultats. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait quand même, Isabelle Petitbon, que ça a duré si longtemps ? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, il a fallu écrire l'article. Et ça demande un travail quand même très méticuleux de la part des scientifiques. Parce que quand on annonce un résultat de cet ordre-là, ça veut dire quand même qu'il faut être inattaquable. Ça, c'est une première chose. Ensuite, comme l'a dit Joël, l'article est soumis à des pairs. Et en plus, on a proposé l'article à PRL, Physical Review Letters, qui est une revue de très haut niveau et qui a donc des exigences à la hauteur de sa réputation. Et donc, les reviewers de PRL ont posé des questions sur la précision, le bilan d'erreur de la mesure. Donc, les rédacteurs ont été amenés à préciser un certain nombre d'éléments. Et donc, on a été mis sur le grill. Et donc, il y a eu plusieurs itérations avec PRL. Et en même temps, publié dans PRL, ça assure un rayonnement incomparable à des résultats, ce qui était aussi notre souhait. Donc, ça a pris du temps. Ouais. Et ça en valait la peine, nous semble-t-il, en tout cas. Joël Berger, on arrive à garder le secret. Il y avait combien de personnes dans le secret en tout, à votre avis ? Une cinquantaine. Oui, le consortium fait une cinquantaine de personnes. Et vous avez réussi à garder le secret ? Oui, pas mal. On l'a gardé, oui. Pas mal, ouais. Et il y a eu une fuite. Une semaine avant la conférence de presse, mais qui venait pas de nous, mais de l'éditeur de l'article. Ah ben voilà. Faites confiance. Voilà. Bon, il y a encore plein de choses à dire sur Microscope, énormément, je ne vais pas vous faire le détail, mais si vous avez envie de discuter directement avec les intervenants, écoutez, c'est le moment, je viens à vous, jusqu'à vous, donc avec le micro, et vous pouvez discuter directement. Michel, c'est un bon client, Michel, il est là à chaque fois, il a toujours des questions pertinentes. Pertinentes, je ne sais pas, non, je vais faire un petit peu de provocation, a priori... ça peut paraître intuitif, on a peut-être tort de trouver ça intuitif, que les deux formes de masse soient équivalentes. Et là, si on cherche une différence à tout prix du dixième, du centième, du millième ou à 10 moins 15, est-ce qu'il y a un point au-delà duquel on peut considérer que c'est vraiment la même, ou est-ce qu'il va falloir essayer de faire des expériences à 10... 10-21 ou quelque chose comme ça, puisque quelle raison avait-on de supposer qu'il y avait une différence entre les deux ? Alors, pourquoi on suppose qu'il y a une différence entre les deux ? C'est qu'aujourd'hui, la physique est décrite par deux grandes théories. La relativité générale, d'une part, qui décrit le monde macroscopique, des galaxies, de l'univers, et la physique quantique, qui décrit le monde des particules. Et les physiciens cherchent depuis déjà un certain nombre d'années. Même Einstein a passé la fin de sa vie à chercher une théorie unificatrice qui permettrait d'avoir une seule théorie qui décrive l'univers, quelle que soit son échelle. Et donc les physiciens, depuis des années, travaillent à cette quête du Graal, en quelque sorte, d'une théorie unificatrice. Et il y a certaines théories alternatives qui sont proposées qui prévoit une violation du principe d'équivalence à un niveau infime. C'est pour ça qu'on cherche une violation du principe d'équivalence. Ça arrangerait les physiciens, Joël Berger, que ce principe d'équivalence soit violé ? Dans les deux cas, quand on trouve une violation, quand on ne trouve pas, on est gagnant-gagnant. Parce que si on trouve une violation, alors on sait qu'il y a une physique au-delà d'Einstein, et donc ça ouvre des portes, ça ouvre des pistes de recherche. Mais si on ne trouve pas de violation, ça permet aussi de fermer des portes. Parce que les théoriciens sont très imaginatifs, donc il y a énormément de théories, énormément de modèles qui permettent de décrire ce qu'on observe. Maintenant, il faut contraindre les paramètres de ces modèles. Et donc, avoir des résultats comme ça qui nous disent il n'y a pas de violation de principe d'équivalence, ça permet de contraindre l'espace des paramètres de ces modèles-là. C'est un peu comme, je vais faire une digression, mais Isabelle parlait des ondes gravitationnelles tout à l'heure. Elle parlait de la contrepartie électromagnétique de septembre dernier. Ça a permis de tuer énormément de modèles de théorie de la gravitation alternative. Donc c'est très bien. Donc il y a toute une palanquée de modèles qui sont déjà morts. Donc on sait qu'on ne doit plus se concentrer sur cela. Et maintenant on va se concentrer sur ceux qui restent. Vous disiez on est gagnant dans les deux cas, qu'on trouve une violation ou qu'on ne trouve pas de violation. Parce que si on trouve une violation, c'est le prix Nobel là, non ? Oui. D'accord. Certainement. Donc on est surgagnant quand même si on trouve une violation. Voilà. D'accord. Mais on ne fait pas ça pour la gloire. Non, ben non, ben non. c'est en plus quoi la gloire. D'accord, c'est en plus, très bien. Bonjour, c'est juste pour avoir un petit complément par rapport à ce que vous venez de dire. En ayant gagné un facteur 10, du coup on a déjà éliminé un certain nombre de théories ou il faut déjà augmenter encore la précision pour pouvoir arriver à ce type de résultat? Alors, éliminer des théories, c'est un très grand mot. En fait, ce qu'on a fait, on a réduit l'espace de paramètres de certaines théories. Mais c'est déjà un grand résultat en soi, parce que ça permet de dire que les paramètres qui décrivent certains modèles, on les connaît un peu mieux qu'on ne les connaissait il y a 3 mois. Juste pour compléter ce que commence à dire effectivement un certain nombre de scientifiques, c'est que si on ne trouve pas de violation, ça sera intéressant de voir comment aller au-delà pour repousser encore les limites de ce que l'on peut dire. C'est-à-dire comment aller plus loin que aujourd'hui on est à 2 × 10⁻¹⁴, demain peut-être à 10⁻¹⁵ avec voilà, les futures donc données là, de là on ne sait pas du tout entre 2 × 10⁻¹⁴ et le résultat final que nous permettra d'atteindre microscope, c'est un grand point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Il y a deux choses, on ne sait pas jusqu'où on peut aller et dans cet intervalle entre ce qu'on a atteint aujourd'hui et ce jusqu'où on pourra aller, on ne sait pas du tout si on ne verra une violation ou pas. Ah, bien sûr. Voilà, donc là, je dirais, le spectre des possibles est complètement ouvert. Maintenant, si on ne trouve pas de violation à la limite de détection de microscope, on sent déjà les scientifiques prêts à proposer, à réfléchir à d'autres idées pour poursuivre cette quête de précision dans le test du principe d'équivalence. Alors du coup, moi je suis un peu novice en la matière, mais récemment j'ai entendu parler du boson de Higgs, donc qui remettait un peu en cause la propriété de la masse, alors je ne sais pas si j'utilise les bons mots, et je voulais savoir si depuis la découverte du boson de Higgs, ça a remis en cause ou ça a pu prouver le principe d'équivalence dont vous parlez. Alors, le boson de Higgs, c'est en fait c'est une particule qui est... Bon, ça va être... Je ne suis pas du tout spécialiste, donc je vais parler pas en tant que spécialiste, parce que bon, c'est du domaine de la physique des particules théorique. Donc, le boson de Higgs explique pourquoi les particules ont une masse. Donc, en fait, il décrit comment la masse émerge, pourquoi la masse existe. Et en fait, ce boson avait été postulé dans les années 50 ou 60. Et donc, c'était toutes les particules. Donc, c'était une pierre centrale du modèle standard de la physique des particules et que les scientifiques cherchaient depuis des décennies. Donc, toutes les particules qui avaient été prédites par la théorie avaient été trouvées. Il ne manquait plus que celui-là. Donc, le LHC a été construit pour le rechercher. Et donc, le LHC, c'est l'accélérateur de particules. Voilà. Le Large Hadron Collider, non, c'est le grand collisionneur de Hadron. Voilà, merci. Et donc, il a été construit pour ça, et il a effectivement trouvé ce boson de Higgs. Donc, c'était une magnifique preuve de la théorie. Mais pas de lien, pas d'inconséquence sur le principe d'équivalence, hein. Non. Non, non, non, non, pas du tout, pas du tout. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez expliquer techniquement comment ont été réalisées l'expérience dans le satellite? Allez, c'est parti. Donc, je peux m'y coller. Non, peut-être qu'il y a un schéma dans. Ah bah oui, ça. À un moment donné, il allait falloir. Voilà, s'y coller. En page 7, il y en a un schéma de l'instrument. Je vais voir si. Bah, c'est ça et ça. Non, c'est ça. Je regarde juste. Non, c'est juste ça. Non, en fait, donc ce qu'on veut tester, c'est. L'universalité de la chute libre. Donc on va prendre 2 corps. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire ce qu'avait fait donc, notre ami astronaute sur la Lune, c'est faire tomber 2 objets et vérifier qu'ils touchent le sol en même temps. Donc quand on fait ça, quand on est sur Terre, voilà, si vous lâchez des objets, ils vont tomber en quelques secondes, donc ça va très très vite, vous n'avez aucune précision. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est... En fait, avant d'aller à la page 7, oui. Il y a une... Vous pouvez aller à la page 4. Bon, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, bon, si je fais tomber depuis ma table, le temps de chute est trop court, donc je vais faire tomber de 100 mètres. Donc vous avez cette tour de chute libre à Brême, aux Armes, en Allemagne. Donc elle fait 100 mètres de haut. et on peut faire le vide à l'intérieur. Donc il n'y a pas d'atmosphère, là c'est vraiment de la chute libre. C'est vraiment de la chute libre. Oui, mais c'est que 100 mètres. C'est que 100 mètres, donc ça dure 5 secondes à peu près. Bon, vous pouvez doubler le temps, il y a un système de catapulte, donc vous partez d'en bas, donc vous montez jusqu'en haut de la tour et puis vous retombez, donc comme ça vous chutez pendant 8 à 10 secondes. Mais ça, c'est encore trop court pour avoir une bonne précision. Ensuite, vous pouvez penser, tiens, ce qu'on peut faire, on va se mettre dans un avion 0G. Ça existe, vous faites des vols paraboliques. Et donc là, vous pouvez être en chute libre pendant une vingtaine de secondes. Donc, pour bien qu'on comprenne, hein, l'avion 0G, c'est un avion qui va à 800 km/h, qui commence à se lever, et puis qui lâche les gaz quand il est en haut, et puis on est catapulté, et il y a une sorte de microgravité qui est produite. Il suit une trajectoire parabolique, donc la parabole, c'est la trajectoire d'un objet en chute libre. Voilà, c'est et ça. Donc, comme ça, une fois qu'il est sur sa parabole, ben, il chute de manière libre, et puis tout ce qui est à l'intérieur se met à flotter. Donc tout est en chute libre, et ça dure une vingtaine de secondes. Donc c'est un peu mieux, mais ce qu'il y a, ça vibre énormément, et donc on ne peut pas atteindre les précisions qu'on recherche en physique fondamentale. Et donc l'idée, c'est de... Et puis, il y a microscope. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller dans l'espace, et donc on peut faire cette chute libre en espace. Donc si on est en orbite, donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'être en orbite, c'est être en chute libre, finalement. Être en orbite, c'est être en train de tomber. Exactement. Sauf que... On ne tombe pas directement sur la Terre, donc on ne rencontre pas la Terre. Mais on revient à l'origine. Mais on revient à l'origine parce qu'on tombe en permanence sans rien rencontrer sur son chemin. Et donc voilà, être en orbite, c'est être en train de tomber. Exactement. Et donc on peut avoir des chutes libres infinies. Waouh. Ou quasiment infinies. Et donc voilà, on va se dire, on va prendre deux corps de masse différentes et les faire tomber en chute libre et voir, on va les mettre à l'équilibre à un point donné. Et puis voir 5 heures plus tard, ou 10 heures plus tard, ou 3 jours plus tard, s'ils ont bougé l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est une idée. En fait, le microscope, ça ne marche pas comme ça. Ah zut, ça aurait été simple. Mais ça marche presque comme ça. Presque. En fait, le microscope force les deux masses à suivre la même orbite, donc à rester en équilibre l'une par rapport à l'autre. Et donc on fait ça en leur appliquant des forces électrostatiques pour les maintenir en équilibre. Et les forces électrostatiques, quand on leur applique, sont proportionnelles à la gravité qu'elles ressentent. Et donc si on s'aperçoit qu'on doit appliquer des forces différentes sur les deux masses, ça veut dire que les deux masses ne tombent pas de la même manière. Si on doit appliquer des forces différentes sur les deux masses, ça veut dire que les deux masses ne sont pas en train de tomber de la même manière. C'est ça. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. On les force à rester l'une par rapport à l'autre de façon extrêmement... stable et précise, sans bouger, et on regarde à la fin ce qu'il a fallu pour les forcer à rester l'une avec l'autre. Est-ce que, du coup, l'une a demandé plus de force que l'autre ou pas ? C'est ça, ça nous dit si le principe d'équivalence est violé ou pas. Voilà, exactement. OK. Alors, maintenant, on a de magnifiques cylindres à la page 7. Donc, on les voit à gauche. Par exemple, on a deux cylindres, l'un à l'intérieur de l'autre. Deux cylindres, et puis on a ces deux... Et en fait, la même expérience avec ces deux cylindres, elle est répétée deux fois. Oui, parce qu'il y a deux cylindres à gauche et il y a deux cylindres à droite. Donc en tout, ça fait quatre cylindres. Ça fait quatre cylindres, oui. Alors les deux, d'un côté, il y a une référence. Donc les cylindres sont faits de la même composition. Donc on s'attend, vu qu'ils sont, ce sont les mêmes, la même matière, on ne s'attend pas à avoir de violation de principe d'équivalence. Donc si on voit quelque chose là, c'est qu'il y a un effet systématique, un effet instrumental qu'il faut comprendre et qu'on a peut-être retranché de l'autre. Ça, c'est des choses à voir. Donc c'est pour s'assurer que l'expérience est à la précision voulue. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, le deuxième cylindre, enfin le deuxième boîtier, ouais, c'est ça. Avec les deux cylindres également. Avec deux cylindres qui, eux, sont de compositions différentes. Et donc, ce sont ces cylindres-là qu'on utilise pour tester le principe d'équivalence. Ils sont en quoi et quoi, ces cylindres ? Alors, il y en a un en platine et l'autre en titane. D'accord. Et pourquoi ces deux matières-là en particulier ? Alors, ces deux matières-là, on les a choisies. Donc, il y a plusieurs points. Donc, les théories, donc on en revient encore à la théorie. Donc, ils prédisent des violations de principe d'équivalence. Elles prédisent des violations qui dépendent de la différence chimique, du nombre de nucléons, du nombre de protons et du nombre de neutrons de chaque de chaque matériau. Donc ce qu'on veut faire, c'est maximiser la différence quantique entre les matériaux. Et donc il s'avère que le platine et le titane sont suffisamment différents l'un de l'autre pour avoir une violation relativement forte. Et en plus, il s'avère que voilà, il faut aussi les machiner, il faut les construire, ces cylindres-là. Donc on va vers des alliages qu'on sait manipuler, qu'on sait usiner. Donc il y a un compromis à trouver entre la physique et l'usinage. Donc l'instrument s'appelle tessage, hein, c'est ça ? Vous dites sage ou vous dites tessage ? Tessage, on dit tessage, d'accord. Et si on regarde page 6, on a un autre coup d'œil. Est-ce que vous voulez nous décrire ce qu'on voit, page 6, Isabelle Petitbon, par exemple ? Quoi qu'il y ait écrit Onera sur l'image, donc. Et oui. C'est peut-être plus ça, Joël Berger. Oui, donc je vais continuer. Donc ça, c'est l'extérieur. Donc c'est les deux boîtiers. Donc chaque boîtier contient ces accéléromètres, donc ces masses d'épreuve cylindriques. Donc on voyait tout à l'heure. Ça, c'est à gauche. Hein, donc ça, c'est à gauche. Et à droite, alors là, ça, c'est la capsule dans laquelle l'instrument a été mis. Donc on l'a testé au sol. Donc dans la tour de chute libre du ZARM, quand il est donc page 4. On a testé ces deux cylindres, cette expérience, disons. Oui. Hein, on l'a testé dans une capsule, on l'a mis dans une capsule, et cette capsule, elle a été au ZARM, c'est ça ? C'est ça. Cette capsule, elle appartient au ZARM. Donc d'accord. C'est la capsule dans laquelle on met les instruments qu'on veut tester au ZARM. D'accord. Ok. Et quand ça arrive au sol, ça s'écrase ou il y a un système pour freiner ? Il y a un système de polystyrène quand même pour ça. Bon, c'est bien. D'accord. Et donc on peut voir le tessage qui est là au cœur de la catapulte. En plein milieu là. En plein milieu. En plein milieu, on a le tessage. Moi j'arrive pas. C'est doré de. C'est doré. C'est oui. Doré, donc ça a l'air d'être la même chose, mais je les vois pas nos deux cylindres. Oui, ils prennent pas beaucoup de place. On voit la tête des cylindres. Ils sont l'un au-dessus de l'autre. On voit juste. Ils sont sur la gauche. On voit juste les ronds. Hein. On les voit par le haut, si je puis dire. Voilà, ça y est, j'ai tout compris. Ok, et là, il y a plein de fils. Est-ce que vous voulez nous décrire un petit peu ? Tous ces fils, c'est pour l'électronique, parce que bon, j'ai parlé de force électrostatique. Je suis toujours page 6, hein, mais. Voilà, j'ai parlé de force électrostatique pour les maintenir en équilibre, et donc pour faire des forces électrostatiques, bon, bien sûr, il faut une électronique derrière. Et donc, ces masses d'épreuve ne sont pas totalement isolées de l'extérieur, mais. Elles sont entourées d'électrodes qui sont elles-mêmes reliées à de l'électronique qui est en dehors de ces cylindres-là. Et donc tous ces fils sont là pour relier cette électronique. Monsieur, vous aviez une question à poser. Oui, je voulais juste repositionner les 10-15 par rapport à l'échelle de l'ensemble des dimensions réelles dans l'univers et non pas celles juste des mathématiciens. Donc là, on a vu dans vos planches que c'est à peu près la masse d'une mouche sur la pyramide de Khéops. Mais l'échelle globale entre l'infiniment petit tel que nous on le connaît aujourd'hui et l'infiniment grand tel qu'on le présume, ça représente combien d'ordres de grandeur aujourd'hui ? Un atome, c'est dans les 10-13, on va dire. Et puis ensuite... Dans les dimensions, vous voulez dire ? Dans les dimensions, oui. Et après, le cosmos, il faudrait que je fasse les calculs là comme ça. Je sais pas dire le mégaparsec combien ça fait en mètres là comme ça. Il faudrait une calculatrice pour refaire le calcul, mais ça doit être, je sais pas, dans les 30 ordres de grandeur, je dirais. Facilement 30 ordres de grandeur. 10 puissance 30 alors. C'est un chiffre comme ça que je sors de je sais pas trop d'où. Il faudrait refaire le calcul. Et jeter comme ça, vous en faites ce que vous voulez. D'autres interventions ? Mais je t'en prie. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, mon Pierrot lunaire, te voilà à l'hosto. Mon Dieu, ta brûlure au troisième degré m'impressionne beaucoup, t'es carbonisé. Sur la lune tu es, t'es bien à l'abri des violences urbaines, des guerres et des cris. Dis-moi ce qui t'arrive, parle donc mon frère. J'ai reçu un coup de canon laser. Oh pauvre. Oui, bonsoir. L'état d'impesanteur que vivent les astronautes dans la station spatiale, d'après ce que j'ai compris, est assimilable à une chute libre, puisqu'ils tombent en permanence vers la Terre, mais c'est compensé par la force centrifuge. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu tout simplement embarquer ces instruments sur l'ISS ? Et alors, est-ce que ça vient peut-être des problèmes de vibration dont vous parliez ? Ça, je peux le comprendre. Ou peut-être d'un problème d'altitude d'orbite ? Alors, il y a plusieurs éléments. Effectivement, la station internationale ou les stations orbitales permettent de faire des expériences de chute libre. Néanmoins, ce sont des environnements qui sont relativement perturbés. Notamment parce que, par exemple, il faut que les astronautes fassent de l'exercice physique pour se maintenir en forme. Donc, quand ils font du vélo, ça vibre. Et donc, c'est pas sûr qu'on aurait pu trouver la qualité de chute libre que l'on cherche pour obtenir la précision visée par microscope. Et de plus, effectivement, comme vous l'évoquiez, l'altitude joue un rôle. Et l'altitude qui a été retenue pour microscope est un compromis entre différents paramètres. Par exemple, si on a regardé jusqu'à, je crois, 1500 km, là, la gravité de la Terre aurait été trop faible pour pouvoir être mesurée avec le niveau de précision visé. Et de même, si on est les stations, souvent, c'est autour de 400 km. Et là, il y a une atmosphère résiduelle qui est encore relativement importante. Sachant que microscope est en quasi chute libre, malgré tout. Alors, microscope est à une altitude de 710 km. Malgré tout, le satellite et l'instrument qui fait la mesure ne subissent pas que des forces gravitationnelles, ce qui est l'objectif recherché. Ils subissent une l'atmosphère résiduelle et une pression. Ça les freine. Et une pression de radiation, la pression de radiation du Soleil. C'est pour ça que le satellite microscope est équipé de ce qu'on appelle un système de compensation de traînée qui vise à compenser toutes les forces résiduelles non gravitationnelles qui peuvent s'appliquer de manière à ce que les masses d'épreuve soient en chute libre de la manière la plus parfaite possible. Il faut éliminer les perturbations. Il faut éliminer les perturbations. Il faut les compenser. Parce qu'on ne peut pas les éliminer, mais on les compense. On les compense, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a ce nom, microscope. Voilà, microscope, ça veut dire micro-satellite à compensation. De l'observation. Je vais vous trouver ça. Mais il y a compensation de traînée. Vous ne l'avez pas appris par cœur ? Je l'ai là. Je l'oublie. Microsatellite à traînée compensée pour l'observation du principe d'équivalence. Voilà, ça marche super bien. Voilà. Microsatellite à traînée compensée. Là, on n'a pas le T de traînée, mais le reste, tout marche. Compensée pour l'observation du principe d'équivalence. Okay. Mais justement, quand vous disiez qu'on appliquait des forces aux cylindres pour les maintenir l'un dans une situation au même endroit, si je puis dire, l'un par rapport à l'autre, c'est justement ces forces, elles sont là pour compenser justement ces forces que vous appliquez, donc sont là pour compenser cette traînée, c'est-à-dire ces forces résiduelles, l'atmosphère et le... Non, c'est pas exactement ça alors. Et la pression de radiation du Soleil ? Non, en fait, pour compenser la traînée, la pression de radiation du Soleil, c'est d'autres. C'est le satellite lui-même qui utilise les sorties, les données de l'instrument, mais c'est le satellite qui a des micro-propulseurs, et donc qui est le satellite lui-même qui pousse et qui s'oppose à ces forces-là. Il y a combien de micro-propulseurs ? Une quinzaine, quelque chose comme ça ? Dizaine, quelque chose comme ça ? Bon, peu importe. Je crois qu'il y en a 8. Qu'il y en a 4 sur. Je crois que c'est 8. Oui, alors, en fait, j'ai deux questions, j'ai le droit. C'est, d'abord, je voulais demander, pour situer un petit peu l'ISS sur le schéma de la force de la chute libre, savoir à peu près où était l'ISS. Et deuxièmement, sur la responsabilité de la mission, est-ce que le CNES était... entre guillemets, seul maître d'œuvre, seul à avoir la maîtrise d'œuvre sur cette mission, ou est-ce qu'elle a été réalisée en coopération ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question sur la station internationale. L'ISS est à peu près à 400 km. Après, donc, le niveau de chute, je ne sais pas si la question c'était le niveau de chute libre. On est en chute libre, hein, tout simplement. Ouais, sur les gradients de gravité, demande. Ah oui, alors monsieur. Ça, il faudrait le calculer. C'est en fonction, ça varie avec l'altitude. Honnêtement, j'ai pas le chiffre en tête là. Non, de tête comme ça, non plus, je l'ai pas. Non. Ouais. Ensuite, les gradients de gravité, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on appelle le gradient de gravité ? Alors, c'est le fait que si vous êtes que la gravité n'est pas la même, donc sur le parquet ici et sur la table, ou à vos pieds et à vos têtes, vous ne ressentez pas la même gravité. Donc, elle varie. Donc, la gravité varie en 1 sur R carré. Plus je suis proche de plus on est du proche centre du centre, de la Terre, plus on est plus attiré. La gravité est forte. Voilà. Est forte, oui. Et donc ça se sent même au niveau de microscope. Si une masse est décalée de 3 cm par rapport à l'autre, elle ne ressent pas la même gravité et donc ça va nous embêter. Donc c'est pour ça qu'il faut que nos deux masses soient extrêmement bien concentriques. Donc il fallait une précision de... Il faut qu'elles aient le même centre à 20 microns près. Le même centre à 20 millionièmes de mètre. C'est ça. Près, millième de millimètre. Et ça, on y arrive parfaitement. Ouais, beaucoup. C'était même, il fallait être à mieux que 20 microns, et on est effectivement à beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux, d'accord. Alors, il y avait la deuxième question. Alors, qui fait quoi, alors ? Parce qu'on a le CNES et l'ONERA, là, ce soir. Alors, sur la deuxième question, effectivement, le CNES a un rôle majeur dans cette mission, mais ne l'a pas fait tout seul. D'ailleurs, d'une manière générale, les missions scientifiques menées par le CNES ne sont jamais faites par le CNES seul, puisque ce sont les scientifiques qui nous amènent des propositions de missions et qui font la science. Nous sommes... Enfin, le CNES, c'est une agence de programme et une agence technique. Donc, avec la communauté scientifique, on choisit les missions qui nous semblent les plus intéressantes, les plus prometteuses, que l'on estime faisables, et on les développe, on les met en œuvre. Mais on ne travaille jamais tout seul. Alors, par contre, Microscope a quand même la particularité d'être une mission avec peu de collaboration internationale, alors qu'aujourd'hui, la plupart des grandes missions scientifiques sont des grandes collaborations. C'est une mission vraiment très française. Hein. C'est une mission très française. Alors, pas exclusivement quand même. On a quand même quelques coopérations européennes. Il y a l'Agence spatiale européenne qui a fourni les éléments du système de micropropulsion qui permet justement de compenser la traînée. Le CNES a mis en œuvre ce système de micropropulsion. Et il y a également en Allemagne le SARM et le PTB, qui est un laboratoire de métrologie, qui ont participé. Donc le PTB a fabriqué les masses d'épreuve en platine et en titane dont parlait Joël et qui doivent être usinés avec une très très grande précision. Et le SARM a mis à disposition sa tour de chute libre pour le test de la charge utile et participe au traitement des données. Donc ça, ce sont nos partenaires internationaux. Et au niveau français, c'est le CNES qui a conçu le satellite. La charge utile, comme l'a dit Joël, a été conçue et développée par l'ONERA. La charge utile, c'est l'instrument. Voilà, scientifique. La charge utile, c'est l'instrument. C'est ce qui permet de faire l'expérience du principe d'équivalence. Et pour Microscope, le CNES, c'est maître d'œuvre et maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait appel à un maître d'œuvre industriel, comme c'est assez souvent le cas, pour développer le satellite. Il a été conçu par le CNES, développé. Les différents sous-systèmes ont été développés par des industriels différents. C'est le CNES qui a fait l'intégration, les tests, la qualification, qui a assuré l'interface avec le lanceur, qui a négocié le lancement avec Arianespace, puisque Microscope a été lancé en passager d'un lancement Soyouz qui devait lancer Sentinel-B. Soyouz, un lancement Soyouz, mais depuis Kourou. Hein. Depuis Kourou, tout à fait. Voilà. Ça a été lancé depuis Kourou. C'est un lancement Arianespace. Voilà. Et c'est également le CNES qui a développé et qui opère le segment sol qui permet de communiquer avec le satellite, d'envoyer les télémesures, dialoguer. Et il y a également au CNES un centre d'expertise de la compensation de traînée, puisque c'est quand même quelque chose qui est très particulier à Microscope et qui demande une expertise particulière. Et le centre de traitement, le centre de mission scientifique Microscope, a été développé par l'ONERA et est à l'ONERA à Palaiseau. Et il y a également, faut surtout pas que je les oublie parce qu'ils sont également très importants, il y a l'Observatoire de la Côte d'Azur qui est également impliqué dans le traitement des données. Et qui est le, parce que son PI de la, le PI de la manip, c'est l'investigateur principal. Le scientifique principal, c'est Pierre Touboul de l'ONERA et Gilles Maîtris de l'Observatoire de la Côte d'Azur et co-PI, co-principal investigateur. Donc on a deux scientifiques français qui, en fait, ce sont les deux laboratoires qui, à l'origine, ont eu l'idée de la manip et l'ont proposé au CNES. Joël Berger, moi, l'ONERA, je connais parce que vous êtes un laboratoire d'expertise, vous faites de l'expérience, vous faites du développement, mais c'est nouveau quand même de venir comme ça, de piloter scientifiquement un instrument scientifique spatial. Oui, nous, on est une équipe assez atypique. Donc, l'ONERA est spécialiste de tout ce qui est avions, hélicoptères, fusées. Donc, c'est l'Office national d'études de recherche aérospatiale. Donc, il y a tout ce qui est atmosphérique, mais il y a aussi l'espace, le développement de technologies spatiales, de capteurs spatiaux. Donc, moi, je suis dans une équipe qui est spécialiste depuis 40 ans de capteurs spatiaux électrostatique, donc d'accéléromètre. Donc on a travaillé, enfin quand je dis on, c'est l'équipe, parce qu'ils ne m'ont pas attendu. On a travaillé avec la NASA depuis les années 80, on a mis des accéléromètres dans la navette spatiale. Puis ensuite on travaillait avec l'ESA, dans l'Agence spatiale européenne. Donc il y a eu des missions de géodésie, donc où on fournissait les accéléromètres. Donc il y a eu GRACE de la NASA qui est une mission de géodésie, donc qui mesure au jour le jour la disposition de la masse sur Terre pour voir si les glaces se fondent, par exemple. Il y a eu GOSS de l'ESA, qui est aussi une mission de géodésie qui avait pour but de regarder, de cartographier le champ gravitationnel terrestre. Là, on a fourni des accéléromètres. Il s'agit de mesurer la gravitation, là aussi, enfin la force gravitationnelle de la Terre. Voilà. Évidemment, quand un satellite passe au-dessus d'une montagne, ce n'est pas la même chose que quand il passe au-dessus d'un océan. On est quand même plus attiré, on imagine bien. Voilà. Tout à fait. Donc c'était ça qu'on essayait de mesurer avec GRACE et avec GOSS. C'est exactement ça, oui. Et donc là, il y a GRACE Follow-on qui arrive, donc qui est la suite de GRACE. Et vous allez être impliqué dedans? Donc on est impliqué dedans, on a fourni les instruments. J'ai des collègues qui sont rentrés de Californie ce week-end, ils ont été faire les derniers tests sur le satellite. Donc d'après ce que j'ai compris, tout va bien. Bon, très bien, très bien. Bonsoir. Aujourd'hui, Microscope nous permet d'atteindre une précision d'un ordre de grandeur, d'aller chatouiller les 10 puissance moins 15. Si j'ai bien compris ce qui a été dit un peu plus tôt, on ne sait pas jusqu'à quelle précision on pourra pousser ces tests. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une précision, un ordre de grandeur qui, si on l'atteint dans des tests de ce type, vaudrait pour une validation entière, définitive, irréfutable du principe d'équivalence ? On peut jamais prouver une théorie. On peut juste montrer qu'une théorie est fausse. On peut pas prouver qu'elle est vraie. Donc on pourra descendre, même on pourra arriver à 10 puissance moins 30, moins 40, moins 50. Bon, je sais pas comment on peut faire ça, mais ça nous prouvera pas que la relativité générale est correcte. On peut juste montrer que le postulat de base est faux, mais on peut pas montrer qu'il est vrai. Ensuite, pour savoir... Il n'y a pas de limite, là. On ne sait pas jusqu'où on devra aller. Il n'y a pas de limite. Non, ensuite, c'est aux théoriciens de nous donner des modèles et de nous donner des prédictions pour nous dire, voilà, tel modèle prévoit une violation entre 10 moins quelque chose et 10 moins 13. Donc, pour l'instant, les modèles qui dérivent des théories des cordes, par exemple, donnent des prédictions très, très lâches en disant que c'est inférieur à 10 moins 13. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Donc maintenant, il faut revoir sa copie et dire, bon, c'est inférieur à 10-14, mais il n'y a pas de borne inférieure pour l'instant. J'aimerais bien qu'on parle de performance un petit peu. Alors Isabelle Petitbon, on a déjà dit un mot. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? De quoi est-ce que vous êtes satisfait, etc. Je vais commencer, puis Joël complétera. Globalement, nous sommes quand même très, très contents. Ça marche super bien. C'était quand même un sacré pari parce qu'il faut quand même savoir qu'on n'a pas pu tester en vraie grandeur l'expérience au sol. Donc il y a un certain nombre de vérifications, de validations qui ont pu être faites, mais comme les masses fonctionnent en chute libre, on ne pouvait pas reproduire les conditions de fonctionnement dans l'espace sur Terre. Donc, si on l'avait pu, on aurait fait l'expérience sur Terre, d'ailleurs. Soit on l'aurait fait sur Terre, soit on l'aurait envoyé dans l'espace pour gagner en précision. Ouais. Néanmoins, bon, on a fait du mieux qu'on pouvait. Maintenant, il y a toujours ce pari quand voilà, même, hein, quand même, quand on va dans l'espace. Il y avait quand même un sacré pari. Ouais. Alors déjà, dans ce qui marche, je vais parler peut-être de ce qui concerne plus le CNES et Joël pourra parler de ce qui concerne l'ONERA. Dans ce qui marche déjà très très bien, c'est le système de compensation de traînée. Ça, c'est un système qui marche super bien. On a un niveau de performance qui est 100 fois meilleur que ce qui était spécifié. Et donc, on avait spécifié ce qu'on estimait nécessaire pour assurer à l'expérience des conditions satisfaisantes. Mais en fait, on est bien, bien meilleur que ce qu'on avait prévu. Et ceci dit, on en est très content parce que quand on est meilleur, c'est toujours bon à prendre. Les conditions sont meilleures, il y a moins de questions à se poser. Un autre élément qui est également très satisfaisant, je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous avez vu la photo de l'instrument vu de l'extérieur, mais vous voyez des enveloppes métalliques. En fait, la mesure est sensible à tout ce qui est perturbation thermique et magnétique. Donc, en fait, l'instrument est dans un cocon il est déjà au centre du satellite. L'instrument se trouve au centre du satellite, de façon très, très précise. Il est vraiment, et il y a eu des ajustements très précis pour qu'il soit au centre de gravité du satellite, pour que les masses voient le plus possible la même valeur de la gravité et pour qu'il y ait le moins de perturbations possibles de delta dans la mesure. Donc l'instrument est dans un cocon qui le protège de toutes les perturbations thermiques et magnétiques qu'il peut y avoir autour. On est à quelle température, par exemple ? On est à l'ambiante. Oui, on est à la température ambiante, à 20 degrés. Par contre, ce qui est important, c'est que cette température ne varie pas. Ce n'est pas tant la valeur absolue de la température que sa stabilité. Et on avait, je crois, une exigence de l'ordre de 10-4 au niveau de la stabilité thermique. Alors, on s'est aperçu que l'instrument est plus sensible. C'est-à-dire qu'en termes de degrés, il ne fallait pas que ça évolue de... Plus de 10-4. D'un 10 millième de degré. Oui, c'est ça. Et on s'est aperçu finalement que l'instrument est plus sensible à la température, aux variations de température que ce qu'on imaginait. Et aujourd'hui, ce qu'on mesure, c'est qu'on a une stabilité qui est de l'ordre de 10 microkelvin. En fait, on n'est pas en mesure de mesurer la stabilité thermique réelle parce que les capteurs que l'on a mis sont en limite de leur précision. Ah oui, on est au maximum de ce qu'on peut faire. Voilà, de ce qu'on peut faire avec les capteurs de température. Donc l'instrument est plus sensible que ce que vous imaginiez au changement de température. Par contre, mais on est excellent. Mais on a une très bonne stabilité thermique, ouais. Ce qui est tant mieux, parce que sinon, Ça vous pénaliserait. Ça pourrait nous pénaliser. Joël peut compléter sur l'instrument. Ce qui... Oui, enfin, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire. Ça marche... Ça marche très bien, même au-delà de nos espérances. Bon, comme l'a dit Isabelle, c'est un instrument qu'on ne peut pas tester sur Terre. Donc, on a pu le tester dans la tour de chute libre du ZARM. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, ça dure 10 secondes. Donc, on peut juste vérifier que l'électronique fonctionne et qu'on est capable d'acquérir c'est-à-dire de maintenir les masses d'épreuve. Quelques secondes, mais une fois arrivé sur orbite, on savait pas ce que ça donnerait, et puis bon, ça a très bien marché. Puis il y a un point qui était, peut-être un point crucial juste après le lancement, c'est donc les masses d'épreuve. Donc vous l'avez bien compris, elles sont en chute libre, donc elles flottent à l'intérieur de l'instrument. Mais quand on lance quelque chose dans une fusée, bon, ça vibre énormément, donc on peut pas avoir de pièces qui bougent. Donc il y avait des systèmes de blocage. Parce que sinon vous allez détruire votre instrument là, parce que les cylindres vont aller frapper les parois et tout va casser. Exactement. Alors oui, donc c'est un problème, c'est-à-dire qu'au décollage il fallait que vos cylindres soient fixés et puis qu'il y ait un moyen pour les débloquer ensuite et que ce système ne vienne pas perturber les cylindres après. Dans ce système, c'est un système de pinces, il y a trois doigts de chaque côté des cylindres. Et ça n'avait jamais été testé au sol, donc on pouvait pas le faire, et donc on savait pas une fois arrivé en orbite si ça fonctionnerait ou pas. Attends, je comprends pas, parce que des pinces qui tiennent un cylindre, moi je vous le fais sur Terre. Oui, mais ensuite, il faut que voilà, c'est un... il faut être à la précision, il faut pas détruire notre instrument. Voilà, c'est ça, il faut pas arracher. Il faut pas que le cylindre reste collé sur les doigts. Donc c'est quelque chose qui faisait très peur, et dans le jour où on a débloqué les masses d'épreuves, c'était vraiment la journée de stress, du plus grand stress, je pense, après le lancement. Et donc, on a fait ça... Il y a quand même des tables à vibration qui existent au CNES et qui permettent de simuler justement les vibrations qu'on a au décollage. On teste, on fait ce qu'on appelle une qualification. Alors, ça dépend à quel niveau, au niveau équipement, instrument, satellite, on fait ça à différents niveaux. Et ça permet effectivement de faire vibrer le matériel à des niveaux représentatifs de ce qui sera vu pendant le lancement et de s'assurer que ça tient. Maintenant, il peut toujours y avoir des différences, on peut toujours avoir des mauvaises surprises, mais là, en l'occurrence... Parce qu'on est dans la pesanteur, là, donc les choses sont forcément différentes. Oui, et donc juste pour terminer mon histoire des doigts de blocage, donc le jour où on a débloqué ça, donc on s'attendait au pire, et donc on l'a vu en direct, parce que bon, avec le moment du après-lancement, on pouvait voir, on faisait ça en direct, donc le satellite peut discuter avec les stations au sol quelques fois par orbite, donc on a des plages d'un quart d'heure toutes les heures et demie. Et donc, pour les opérations cruciales, on fait ça en direct pour voir ce qui se passe. Et donc, le CNES a lancé la commande pour débloquer les masses d'épreuves. Et puis là, on s'attendait au pire. Et puis, tout s'est passé comme si c'était une simulation numérique. C'était le cas idéal. Donc, ça fonctionnait parfaitement. CNES et Onera, la main dans la main. Quand ils bossent comme ça, ça se passe super bien. On peut même vous dire qu'Isabelle et Joël, ils sont à deux doigts d'avoir le Nobel. On leur souhaite. Ensemble, oui, parce qu'on peut être trois sur un Nobel, hein. On peut pas être quatre. Donc ça serait pas nous, il y a déjà un PIA, un copia, et puis il y aura un théoricien. Ce sont les scientifiques, là, les Nobel. Bon, mais si, bon. On vous trouvera un strapontin, vous inquiétez pas. Oui, il y a quand même un problème, il y a eu ce qu'on appelle du bruit. Il y a eu du bruit, alors en quoi est-ce que ça consiste? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces mesures-là? Bon, alors le bruit, c'est... Bon, c'est ce qui nous permet d'avoir la précision, on peut, de ne pas descendre à une précision infinie. Donc c'est comme, bon, ça n'existe plus ça maintenant, mais autrefois, quand l'antenne de votre télé était mal orientée, il y avait de la neige sur la télé. Donc c'est typiquement ça, du bruit. Donc c'est quelque chose qui nous empêche de voir le signal utile. C'est quelque chose qui nous empêche de voir le signal utile. OK. Et alors, à quoi est-ce qu'il est dû et jusqu'à quel point est-ce qu'il est gênant ou pas? Alors, il y a plusieurs sources de bruit. En nous, celle qui nous gêne le plus, c'est un bruit d'amortissement dû à un fil d'or. Donc, les masses d'épreuves dont j'ai dit il y a 10 minutes que les masses d'épreuves flottent à l'intérieur de l'instrument, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Elles sont reliées au satellite avec un fil d'or qui est très très fin, il fait 7 microns de diamètre. Mais c'est suffisant pour créer un amortissement et créer ce bruit là qui apparaît. Parce qu'on a besoin de ce fil d'or pour décharger ces cylindres du point de vue électrostatique. Voilà, hein. Pour maintenir la charge électrostatique constante. Quand j'étais petit, on avait ce souvenir-là, avec Joël Berger, on en a discuté. Quand j'étais petit, il y avait une espèce de petite languette qui pendait derrière les voitures et qui touchait le sol. Hein, voilà. On voit ceux qui ont mon âge. OK. Et c'était drôle. Moi, j'ai jamais eu ça sur ma voiture. J'étais vachement jaloux quand j'étais petit de voir cette petite languette. Je trouvais ça génial. Oui, donc l'idée, c'était de ne pas se prendre du jus quand on prenait la portière parce que justement, la voiture allait se décharger. Mais ça existe aussi sur les ailes des avions. Sur les ailes des avions, vous avez des tiges. Il y a un fil qui va jusqu'au sol. Non, vous n'avez pas un fil, mais vous avez des tiges, je ne sais pas, ça doit faire 10 cm qui sont sur les bords extérieurs des ailes. Qui sont à l'arrière, oui. Et ce sont des déperditeurs en électricité statique. D'accord, ok, compris. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc ce petit fil, il est là pour décharger électriquement, si je puis dire, les cylindres. Il est minuscule et normalement, il ne devrait pas gêner le flottement, la chute libre. Et ce que vous dites, c'est qu'il a quand même une mini-rigidité qui vous enquiquine, c'est ça ? Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais. Il retient un peu la masse d'épreuves. Et ça, donc, on n'aurait pas pu le voir avant ? Ça, on savait que ça allait arriver. Et, mais pas dans cette proportion-là. Bon, c'est un peu plus grand que ce à quoi on s'attendait, mais finalement, il n'y a eu aucun souci parce qu'on a réussi à modifier un peu le scénario de la mission pour se mettre dans un régime qui était proche de ce qu'on voulait pour atteindre nos objectifs. Alors, Adelberger, il était arrivé à une précision de 10⁻⁷. On est aujourd'hui à une précision de 2 × 10⁻⁴. L'objectif annoncé, c'était 10⁻⁵. Donc, on a encore besoin d'un facteur 10. Est-ce que vous allez y arriver d'une part ? Et d'autre part, est-ce que ce petit fil peut vous en empêcher ou pas ? Alors là, je ne peux pas trop en parler parce qu'on est en train d'analyser les données. Donc, c'est... Jusqu'à quel point est-ce que ce petit fil vous embête effectivement ou pas ? Est-ce qu'il peut être un facteur limitant ou pas ? Il est forcément un facteur limitant, mais on pourra s'approcher très près de l'objectif qu'on avait. Bon, voilà. Bah c'est... Et puis ensuite, comme l'a dit Isabelle en début de soirée, on a analysé uniquement 10% des données, donc on a encore 10 fois plus de données à analyser. C'est ça que je trouve étonnant alors. Donc, il reste 90% des données, et c'est ces 90% qui vont vous donner ce facteur 10 supplémentaire ? Ça ne donnera pas un facteur 10, mais ça donnera un facteur 3, 4 ou 5. En fait, il y a plusieurs éléments, puisque dans le bilan d'erreurs qui est disponible aujourd'hui, il y a des erreurs statistiques. Donc là, c'est le nombre de mesures et le temps qui permet de gagner. Qui permet de réduire, quoi. Qui permet de réduire. Plus l'expérience dure longtemps, plus on élimine. Et d'accord. Effectivement, là, l'expérience ne durera pas un temps suffisant pour gagner le facteur 10. Par contre, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des erreurs systématiques. Et là, il y a un travail d'analyse qui est en cours aussi côté scientifique pour essayer d'identifier quelles sont ces erreurs systématiques. Et si on réussit à les identifier, on peut potentiellement peut-être les soustraire ou en soustraire une partie en fonction de ce dont on est sûr. Donc il y a encore un gros travail côté scientifique pour exploiter au mieux les données qui ont déjà été accumulées et celles qui vont être accumulées jusqu'à la fin de la mission. Et vous aimeriez pas que la mission dure un peu plus longtemps ? Je vais poser la question à Joël. Ben forcément, s'il avait pu durer 10 ans, on aurait été preneur. Mais... Ah voilà, donc il est preneur. Alors maintenant, le CNES, qu'est-ce qu'il dit ? Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas, parce que nous, le CNES aussi, aimerait beaucoup prolonger la mission si c'était possible. Souvent, les missions spatiales durent beaucoup plus longtemps que prévu. En l'occurrence, dans Microscope, comme dans certaines autres expériences, ce qui fait la durée de vie, c'est la quantité de gaz froid dont nous disposons pour compenser la traînée du satellite. Pour faire ces micropropulsions, là. Voilà, et pour compenser le frottement atmosphérique et la pression de radiation du Soleil. Donc, en fait, là, nous allons arriver bientôt... En limite de gaz froid. Et donc, voilà, la mission va s'arrêter, entre guillemets, je ne vais pas dire d'elle-même, mais presque. On arrive en limite de capacité des gaz froids. Donc, on ne peut pas prolonger la mission autant que nous aurions pu le souhaiter. Alors, je crois qu'il y a un deuxième problème qui a affecté la mission. Un deuxième gros problème. Je vois que vous avez des yeux interrogatifs. Qu'est-ce que vous pensez de ce nom, Microscope ? Alors, il est génial parce qu'effectivement, c'est micro-satellite à traîner, compenser. On a le principe d'équivalence, on a la traînée compensée, etc. Mais Microscope, quand vous regardez ça de loin, c'est ça n'a rien à voir avec la mission. Du strict point de vue de la communication, le nom Microscope nous envoie dans des domaines et des régions qui n'ont rien à voir avec le sujet de la mission elle-même. Avec l'objet Microscope. En même temps, pour nous, côté CNES, ça avait quand même un sens dans la mesure où Microscope est un satellite de la filière Myriad, qui est la filière des microsatellites du CNES. Mais là, c'est le CNES qui parle au CNES. Là. Quand on en a non, regardez, là, il y a des gens, ils ne sont pas du CNES, là. Ça ne leur dit rien, Myriad. Microsatellite. Bon, on peut dire microsatellite. D'accord. Mais oui, c'est vrai, mais bon. Ça, c'est les noms des satellites, parfois, des missions sont choisis. Il aurait fallu l'appeler Einstein. Là, vous étiez sûr de... Là, vous cassiez la baraque. Tu avais une question. Oui, est-ce qu'on pourrait creuser, vous avez lancé un teaser tout à l'heure et on est passé à autre chose. Vous avez laissé entendre que la théorie des cordes invaliderait le principe d'équivalence. Alors, est-ce que vous pourriez développer? Et je ne vois pas très bien, parce que la théorie des cordes, c'est l'infiniment petit, c'est le monde des particules. Et les particules, d'après ce que j'ai cru comprendre, sont quasiment insensibles à la gravité. Donc, en quoi est-ce que le principe d'équivalence qui s'applique au monde macroscopique... serait perturbé, je vais dire, par une théorie des cordes. Là, c'est... D'accord. On va... Donc, la théorie des cordes... Donc, alors, c'est là où il faut que tu t'accroches, Xavier. Hein. C'est là, on y va. Les particules, la force, la théorie des cordes, on y va, c'est bon. C'était prévu, c'était au programme. Donc, voilà. Donc, la théorie des cordes, c'est un candidat pour aller au-delà de la physique des particules, de la physique quantique, et pour unifier la physique quantique avec la relativité générale. Donc, l'idée, c'est de... remplacer les particules, donc en physique quantique, les particules sont ponctuelles, donc elles n'ont pas de dimension en physique. Et l'idée, c'est de les remplacer par des petites cordes qui vibrent, et la manière dont elles vibrent fait qu'on les considère soit comme des électrons, soit comme des photons, soit comme des quarks. Et donc pour que ça marche, donc l'idée est très, très belle, mais pour que ça marche, il faut rajouter des dimensions à notre espace-temps. Donc on vit, donc intuitivement, nous ce qu'on voit, c'est un espace, on vit dans un espace à quatre dimensions, donc il y a le devant, derrière, droite, gauche, haut, bas, donc ça fait trois, plus le temps, donc ça fait quatre dimensions. La théorie des cordes, il faut en rajouter pour que les maths de la théorie soient valides, et donc on aboutit à 10 ou 11 dimensions. Alors ça suppose que l'univers dans lequel nous sommes à quatre dimensions est des dimensions cachées, des dimensions que nous, à notre échelle, on ne voit pas. C'est ça. Mais qui existent bel et bien. C'est ça. D'accord. Et donc si elles existent et qu'on ne les voit pas, ça veut dire qu'elles sont microscopiques. Donc c'est comme une feuille. En fait, de loin, on va la voir à deux dimensions. Pour nous, elle a juste le devant, derrière et droite-gauche. Mais si on est en microscope, on verra qu'il y a une épaisseur. Mais l'épaisseur, effectivement, quand on imagine une toute petite particule, cette épaisseur, c'est une falaise. Et la page elle-même, évidemment, c'est un continent. Voilà. Hein, voilà. Donc on voit bien qu'effectivement, il peut y avoir des dimensions cachées selon l'échelle à laquelle on se situe. Voilà, c'est ça. Donc pour nous, la feuille, elle est à deux dimensions. Ça veut dire que la troisième dimension a été compactifiée. Elle a été réduite à quelque chose de microscopique. Et donc la théorie des cordes, donc avec ses 10 ou 11 dimensions... Si on veut voir ce qui se passe dans la vraie vie, il faut compactifier donc des dimensions pour revenir à aux quatre dimensions de la relativité générale. Et quand on fait ça, en fait, quand on compactifie ces dimensions, on voit apparaître de nouvelles particules. Et ces nouvelles particules, en fait, sont médiateurs de nouvelles forces. Et ces forces-là peuvent interagir différemment avec les différents matériaux. Donc ça veut dire que si vous avez du platine ou du titane, la force qui vient de la compactification de ces dimensions-là ne sera pas sentie de la même manière. Donc la théorie des cordes, elle a pour implication l'existence de nouvelles forces qui s'expriment de façon différenciée selon les matériaux, et donc différenciée selon que c'est du titane ou du... Ou du platine. Ou du platine, voilà. Ou du carbone. Ou du carbone, ou n'importe quoi. D'accord, ok, compris. Et ces forces-là, en fait, sont comparables à la gravité. Donc la théorie des cordes a besoin d'une rupture du principe d'équivalence. Oui, la théorie des cordes. Ça arrangerait la théorie des cordes qu'on viole le principe d'équivalence avec microscope. En tout cas, que microscope le prouve. Ça va, Xavier? Pas mal. La fin, ça allait. Et donc oui, juste pour terminer sur ça, donc avec microscope, on a contraint, donc il y a un modèle donc qui s'appelle le dilaton, donc c'est une nouvelle particule qui est prédite par toutes les théories des cordes, et donc on a pu contraindre les paramètres de cette théorie-là avec microscope, et on a énormément réduit les valeurs possibles des paramètres de la théorie. Alors j'ai une question par là. Bonsoir. Et du coup, à l'inverse, est-ce que si on n'arrive pas à violer le principe d'équivalence, est-ce que ça a une conséquence sur la théorie des cordes ou pas? Est-ce que c'est réciproque ou pas? Alors la conséquence, ça sera qu'on réduira toujours les valeurs possibles des paramètres qui décrivent les modèles basés sur la théorie des cordes. Mais il faudrait avoir une précision infinie pour arriver à tous les exclure. Donc on ne pourra pas montrer qu'elle est vraie. On pourra montrer que certains modèles, certaines valeurs de paramètres ne sont pas autorisées, mais il y aura toujours peut-être certaines valeurs qui ne seront pas accessibles par l'expérience. Il y a plusieurs théories des cordes, hein, certaines à 11 dimensions, d'autres à 13 dimensions, etc. Oui, mais elles sont toutes équivalentes. Toutes équivalentes. Oui. D'accord, bon, je me tais. Ok. D'autres interventions peut-être ? Oui, la page 8 montre l'illustration d'un dispositif de désorbitation. Je voulais savoir si vous pouviez nous en parler un petit peu. Oui, alors ça vient du fait que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'objets en orbite. Et depuis quelques années, les différentes agences spatiales s'engagent, en tout cas pour les satellites qui sont en orbite basse, à ce qu'ils reviennent sur Terre, enfin, qu'ils rentrent dans l'atmosphère dans un laps de temps inférieur à 25 ans, de manière à ne pas encombrer l'espace et à diminuer les risques d'avoir des particules qui se disséminent dans l'espace. Donc en fait, si on n'avait rien fait sur microscope, mon microscope, à la fin de sa mission, aurait commencé à descendre tout doucement, à perdre de l'altitude tout doucement, mais ne serait rentré dans l'atmosphère pour y brûler qu'au bout de 73 ans, ce qui n'est pas du tout conforme à la loi des opérations spatiales qui aujourd'hui nous demande de rentrer en 25 ans. Donc ce système, c'est un système, il y a deux ailes déployables, ce qu'on appelle deux ailes déployables, qui ont été installées dans le satellite et qui seront donc déployées une fois que la mission sera terminée et qui doivent permettre au satellite de rentrer dans l'atmosphère dans les 25 années requises. Alors, est-ce qu'on peut commenter là ce qu'on voit page 8 et puis alors, c'est page 9, page voilà. 8 et 9. Donc, ce qu'on voit page 8 sur la droite, c'est le schéma de principe de ces ailes déployées. Et ce qu'on voit... Alors là, c'est quand elles sont déployées, évidemment. Voilà, et c'est un modèle, c'est le modèle de conception, c'est un modèle numérique là qui a été... Et on voit par contre sur la gauche, on voit les deux cylindres là. Alors, les deux cylindres argentés, qui sont le long des deux petits panneaux. Voilà, qui sont de. Ce sont ces deux. Une fois que l'aile est compactée, donc là le satellite a été lancé avec les ailes compactées, et il y a un petit système de, comment on appelle ça, petit mécanisme qui sera. Dont on commandera la libération, qui permettra aux ailes de se déployer. Et alors, de l'autre côté, ce que l'on voit, page 9, donc à droite, c'est l'aile déployée. Ça, c'est une photo qui a été faite pendant un essai de déploiement au sol. Donc, c'est page 9, hein, vous êtes page 9, là. Voilà, c'est page 9, ouais. La photo de droite. Et sur la donc, gauche... Donc, l'aile, c'est bien ce qui est... doré, c'est la partie tout dorée. Hein, voilà, c'est ça. C'est ça. On voit le mécanisme de stockage en bas. Et donc, ce qu'on voit sur la gauche, là, c'est l'aile qui est en train de se déployer. Il y a eu des essais de déploiement au sol. Alors ça, c'était peut-être... Alors, la photo de gauche, elle a été prise dans la 300G, dans l'avion zéro gravité, j'ai l'impression, oui, ça, non c'est, oui, ça, ça... Oui, parce qu'on voit les petits hublots. Ça ressemble à l'avion zéro G, tout voilà. À fait. Donc, on teste évidemment ce genre de système... en apesanteur, dans les 20 secondes ou 30 secondes d'apesanteur qu'on réussit à avoir. Là, c'est suffisant. Avec l'Airbus 300G. Oui, mais ça a manifestement aussi été testé en salle blanche. Il y a eu manifestement plusieurs tests. Jean-Gabriel a une question pour vous. Oui, je voulais savoir les conséquences qu'il y avait sur les théories d'expansion de l'univers et d'éventuels rebonds sur l'affirmation de la non-violation du principe d'équivalence ou pas. Est-ce que ça a des conséquences sur les théories en astrophysique plus large? Oui, tout à fait. Parce que donc, ça fait 20 ans maintenant, déjà 20 ans, vous imaginez, qu'on a découvert que l'expansion de l'univers est accélérée. Donc ça, c'était... Alors, on va le dire plus lentement. L'expansion de l'univers va en s'accélérant. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement l'univers va en s'accélérant, c'est-à-dire que les dimensions entre les groupes de galaxies vont en augmentant au cours du temps. Oui. Et que non seulement il y a cette expansion, mais cette expansion s'accélère. Voilà. Ça va de plus en plus vite. Voilà. Ça, on l'a appris à 20 ans. C'était un coup de massue parce que bon, on se dit l'univers, s'il n'y a que de la matière, c'est un peu comme quand on lance une pierre vers le haut, elle finit par retomber. Donc l'univers, s'il est. s'il est dominé par la matière, bon, après le Big Bang, il était en expansion, mais il doit bien finir par ralentir et revenir sur lui-même. Il devrait se rétracter avec la gravité, avec les forces de gravité entre les galaxies. Exactement. Ouais. Mais c'est l'inverse qu'on a observé, l'expansion s'accélère. Et donc, pour expliquer ça, donc, il y a plusieurs candidats. Donc, il y a la constante cosmologique d'Einstein. Donc, on rajoute juste une constante dans les équations d'Einstein et ça permet d'expliquer cette accélération. Ou alors, on peut rajouter ce qu'on appelle de l'énergie noire. Non, c'est quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. Qui permet de... Voilà, on rajoute ça dans le bilan d'énergie de l'univers et ça fonctionne. Donc, c'est une force supplémentaire? C'est une... Parce que c'est une antigravité, là, pour le coup. La gravité, elle rapproche les masses. Là, ce serait une force qui repousserait les masses. C'est une pression négative. Une pression négative, voilà. D'accord. Et puis, il y a une autre possibilité. Donc ça, c'est... Là, on ne touche pas à la sacro-sainte relativité générale. Donc on se dit, la relativité générale est vraie à toutes les échelles. Avec l'énergie noire, on ne touche pas à la relativité générale. On touche pas à la relativité générale. On rajoute juste en composant dans l'univers. Et puis, on peut aller au-delà et se dire, mais on peut être que la relativité générale n'est pas vraie aux grandes échelles. Et donc, on va modifier cette relativité générale. Et donc, pour ça, on peut rajouter des termes dans les équations. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'on peut rajouter des termes et on se rapproche des modèles à basse énergie qui viendraient de la théorie des cordes à haute énergie. Mais enfin, on ne va pas entrer dans les détails. Et donc, ces théories-là peuvent prévoir des violations du principe d'équivalence. Et donc justement, en mettant des contraintes plus fortes au principe d'équivalence, on peut contraindre ces théories-là. J'ai une autre question à vous poser, c'est sur le développement. Parce que je me souviens avoir écrit un article dans un magazine scientifique qui n'existe même plus aujourd'hui, qui s'appelait Eureka à l'époque. C'était avant les années 2000 et je disais, microscope, génial, la France en avant, on va battre Einstein. Et je l'avais dit, c'est dans les 6 ans, quoi. Mais je l'avais dit parce que le CNES le disait à l'époque. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement, c'est en 2016 qu'on a lancé. Mais il s'est passé pas mal de choses. Un développement d'expérience spatiale, c'est rarement un long fleuve tranquille. Donc déjà, l'aventure a commencé au début des années 90. Par des discussions donc, entre Pierre Touboul, le PI dont j'ai parlé tout à l'heure, et Thibaut Damour, dont vous avez peut-être dont le nom vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il a été médaille d'or du CNRS l'année dernière pour son travail sur les formes d'ondes, des ondes gravitationnelles, qui ont d'ailleurs facilité, ce travail a d'ailleurs facilité l'identification des ondes gravitationnelles détectées par LIGO Virgo. Mais Thibaut Damour s'intéresse également au principe d'équivalence, il est très impliqué dans la théorie des cordes. Et donc c'est des discussions entre Pierre Touboul et Thibaut Damour qu'a émergé l'idée d'une expérience spatiale qui permettrait de tester le principe d'équivalence. Donc à partir de ces premières discussions, les laboratoires scientifiques ont travaillé. Pour soumettre au CNES une proposition de mission, a priori dans les années 1999, et effectivement, le CNES a retenu Microscope dans le cadre de la filière Myriad microsatellite en 2000-2001. Donc on est parti au début des années 2000 dans le développement de Microscope. Et effectivement, quand on fait un petit peu d'archéologie dans la documentation, on retrouve, je ne sais pas si on trouve 2006, mais on trouve au moins 2008, 2009 comme date de lancement. Et on a eu pas mal d'aléas. Bon, déjà, comme vous l'avez vu, l'instrument, c'est quand même un petit bijou. Donc, mettre ça au point, ça n'est pas si facile que ça. Donc, ça demande du temps, de la patience, de la méticulosité. Et on a eu un autre grand aléa, c'est qu'au départ, le système qui était prévu pour assurer la compensation de traînée, c'était un système de micropropulsion électrique qui était fourni par l'ESA, qui devait d'ailleurs être installé sur des expériences comme Gaïa ou comme LISA Pathfinder. Et l'ESA n'a pas réussi finalement à mettre au point ce système de micropropulsion électronique, ce qui fait que c'est dans les années, je crois, c'est dans 2007-2008 qu'on a changé de système de propulsion pour arriver sur le système de gaz froid. Et on a vraiment, la décision, je crois que c'est ça, à peu près 2008. Donc une fois que cette décision a été prise, il a fallu reprendre, même si le satellite, si on avait avancé sur la conception du satellite, il a fallu quand même reprendre la conception du satellite pour l'adapter à ce niveau, système de propulsion. Et on est vraiment reparti, oui, dans les 2009-2010. Et là, 2009-2010 jusqu'à 2016, on retrouve une durée de développement, plus normale. Et d'ailleurs, les dernières années ont été très, très denses pour les équipes qui ont assuré ces activités. Très dense à la fin, on a fini... Les équipes ont fini en 3-8 pour tenir le créneau de lancement. Comme Microscope était lancé en passager dans une mission sur un Soyouz, ça veut dire qu'on n'est pas directement partie prenante dans les discussions concernant la date de lancement. C'est celui qui paye le plus qui a la voix prédominante. Donc, en l'occurrence, c'était l'Agence spatiale européenne avec Sentinel-2. Malgré tout, on avait un créneau et un coût de lancement, abordable pour un microsatellite. Donc, si vraiment on n'avait pas pu lancer, on ne l'aurait pas fait, on aurait attendu. Mais il y avait quand même un gros intérêt à faire le maximum pour tenir ce créneau de lancement. Et enfin, avoir les résultats. Ça fait, quand on a, pour les gens, je sais pas si pour les gens qui travaillaient depuis le début, c'est quand même, c'est un sacré aboutissement. Un microsatellite, ça fait quelle masse ? Alors, un microsatellite standard, c'est entre 1 et 2 mètres cubes et ça fait 200 kilos. Microscope est un petit peu plus gros puisqu'il fait 300 kilos. Parce qu'il a quand même fallu définir des adaptations à la particularité de la mission. Habituellement, dans un microsatellite, on a un cube, inférieur qui est la plateforme et un cube supérieur qui est la charge utile. Là, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la charge utile est au cœur du satellite, donc ce qui suppose une architecture un peu différente et donc des études et une adaptation particulière. Alors, sur une idée de notre fidèle Michel, une proposition de Michel, qui nous dit que vous, physiciens désœuvrés, déprimés, désemparés, gardez tout de même votre fierté nationale et allez vous engager en Allemagne. Allez tout de même en Allemagne car... Aux armes, physiciens, dans la tour de chute libre, on y est bien. Cylindre. Je n'ai pas bien compris la signification de l'image du cylindre. Ah, le cylindre et le sillon, c'était... Ouais, c'est bien, j'ai bien trouvé quand même. Bien trouvé. Merci Michel. Est-ce qu'il peut y avoir une suite à Microscope ? Et à quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? On est à 10 puissance moins 15. Si on veut aller au-delà de 10 puissance moins 15, qu'est-ce qu'on fait ? On a des idées ou... Je vous sens totalement abattu, là, tout à coup, par ma question. On a des idées, mais je ne sais pas si on est autorisé à les divulguer. Ici, on se dit tout. N'inquiétez pas, ici, on se dit tout. Non, oui, on a des idées, donc on commence à travailler sur un microscope 2. Ah ! Le 2 voulant dire aussi 2 ordres de grandeur. Donc, on espère gagner 2 ordres de grandeur. 10 puissance moins 17. Exactement. Moins 17. Moins 17, oui, c'est ça. Waouh. Donc une idée, c'est de... Non, ça, c'est l'idée de l'ONERA, et ensuite, il faudra la proposer au CNES. Il faudra que le CNES dise d'accord. Hein, on est d'accord. Voilà. Okay, d'accord. On est au stade de l'idée. Peut-être qu'on peut demander de suite. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est dommage. Alors, c'est avec des cylindres en platine, en rubidium, en... Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. On n'a pas les réponses nous-mêmes. Donc, Mais par exemple, qu'est-ce que ça pourrait ? C'est quoi ? J'imagine que vous n'êtes pas... Enfin, les idées, elles circulent quand même, non ? Les idées que vous avez... Dites-moi les idées que vous êtes autorisés à... Qu'est-ce qui existe comme idée ? Des améliorations de l'architecture actuelle. Donc, c'est tout tellement flou, tellement vague, tellement préliminaire. Ce serait le même principe ou ça peut être quelque chose de complètement différent ? Ça serait le même principe. Ça serait de comparer la chute libre de cylindres Et donc, on va pas réinventer. C'est toujours dans l'espace. Toujours dans l'espace. Parce qu'évidemment, c'est le meilleur endroit. Oui. Et j'imagine que le problème, c'est surtout justement ces systèmes de la précision avec laquelle on va appliquer ces petites forces pour maintenir les deux masses. Les unes c'est ça, à côté puis, de l'autre. Et puis c'est l'environnement aussi. Donc Isabelle en parlait tout à l'heure, elle disait qu'on est très sensible à l'environnement thermique. Oui. Donc ce qu'on peut faire, c'est refroidir le satellite. D'accord. Donc on ne serait plus à température ambiante. On ne serait plus à température ambiante, mais à température très froide. Et ça permet de gagner énormément en précision. Ah oui, c'est vrai. Oui. Parce que ça, on sait faire, être tout près de 0 Kelvin dans un satellite. Oui, on sait faire. D'accord, ça a déjà été fait. Isabelle Petitbon. Ça a déjà été fait, ce genre de système. Il faut savoir que ça complexifie notablement le satellite, ça le fait grossir. Ah. Il faut un système de refroidissement, il faut un réservoir de gaz. Voilà. Pour refroidir, oui. Oui, donc ça complexifie. D'accord. Alors, vous avez des idées aussi au CNES pour améliorer les choses? Donc, on refroidit, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Nous, ce n'est pas nous qui, en général, non, je sais bien, mais vous avez entendu des idées quand même. On commence tout juste, hein, parce que la première étape, c'est... Et là, vous en êtes où, là? Oh, pour le moment, on en est à finir d'exploiter Microscope. D'accord, mais on refroidit, mais alors qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je ne sais pas. D'accord. Mais ça voilà. C'est déjà bien. Là, on est en train de réfléchir, chacun dans son coin. D'accord. D'accord. Oui, alors vous dites que ça fait grossir le satellite. Mais plus un satellite est gros, plus il est cher. Oui. Ouais. Combien avec Microscope? Alors, le coût complet de Microscope, toutes les parties prenantes, aussi bien le matériel que les ressources humaines qui sont évaluées, on est à 130 millions d'euros. 130 millions d'euros. Pour tout compris. Voilà, tous les partenaires, l'ONERA, l'ESA. Donc plus gros, plus cher, il faudrait peut-être embarquer d'autres partenaires, peut-être que ce soit une expérience ESA. Soit une expérience ESA, soit d'autres partenaires qui sont prêts à participer davantage. Bon. Là, je dirais on en est vraiment aux prémices. Aux prémices, monsieur. Bien pour le lancement. Oui, le lancement dans les 130 millions, c'est... Ah non, le lancement lui-même, c'est combien? Le lancement est compris là-dedans ou pas? Non. Oui. Ah oui, il est compris. Attendez, je crois que c'était, en tant que passager, je crois que c'était une dizaine de milliers d'euros. Je ne suis plus absolument sûre du coût du lancement. Je crois que c'est 10 millions d'euros. D'accord. Mais j'en suis pas... Bonsoir, j'aurais aimé savoir s'il y avait un intérêt à tester le principe d'équivalence dans des champs gravitationnels différents, plus forts ou plus faibles, plus proches du Soleil, plus loin, ou des choses comme ça. Mais franchement, plus important. Plus fort, je pense que oui. Oui, il y a des intérêts. Bon, ensuite, il faut trouver... c'est toujours le compromis du prix et de où on peut aller pour maximiser le signal, mais aussi avoir des conditions d'expérience relativement propres. Et non, pour ça, c'est l'orbite terrestre qui est la plus simple d'accès. Quand il fait plus froid, je suis comme un satellite. Raclette et foie gras, et oui, je grossis très vite. On t'applaudit. Avant de se quitter, alors une dernière intervention dessus, puis on va bientôt se quitter. Donc c'est le moment, si vous avez envie d'intervenir. Oui, juste pour faire suite à la question qui vient d'être posée, est-ce que si un jour on utilise un petit peu plus les points de Lagrange qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on y va, est-ce que c'est le genre d'expérience qui pourrait tirer bénéfice du fait d'aller se positionner là-bas? En fait, le problème, c'est que le champ de Lagrange... On rappelle ce qu'est un point de Lagrange. Bon, le point de Lagrange, c'est... Enfin, je vais faire une réponse. Dans le point de Lagrange, c'est un point... Enfin, il y en a... 4 ou 5, 5, 5 points de Lagrange qui sont des points. Donc il y en a un pour des systèmes à deux corps. Donc entre le Soleil et la Terre, il y a 5 points de Lagrange. Pour la Terre et la Lune, il y a 5 points de Lagrange. Ce sont des points où la gravité s'annule. Là où les forces de gravité entre les deux corps s'annulent. C'est ça. Je suis autant attiré par l'un que par l'autre. C'est ça. Donc ensuite, bon, je vais faire une réponse. Donc, il y a notamment un point qui est le plus évident, qui est un point entre les deux. Il y a un point qui est entre la Terre et le Soleil, par exemple, si on prend ces deux corps-là. Voilà. Donc il y en a un qui est entre les deux, il y en a un qui est aligné, mais de l'autre côté de... Bon, pour la Terre et la Lune, par exemple, qui est de l'autre côté de la Lune. Il y en a un qui est de l'autre côté de la Terre, et puis il y en a deux qui sont... qui font une croix. Qui sont à 30 ou 45 degrés. 60 degrés. On me dit 60 sur ma droite. Ça doit être 60, oui. Ça doit être 60. Bah, c'est Michel, donc c'est 60. Ne cherchez pas. Cherchez pas, c'est bon. Et donc oui, je vais faire une réponse plus générale pour aller chercher d'autres champs à gravité. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour tester le principe d'équivalence, il faut un champ à gravité qui est quand même... Il faut un signal relativement fort. Et donc, il faut être près du corps de la source de la gravité. Et donc, même si le Soleil est beaucoup plus massif que la Terre, en fait, on est tellement loin du Soleil, même si on s'approchait près du Soleil, on serait quand même toujours tellement loin de son centre qu'on ne gagnerait pas par rapport à rester autour de la Terre. Donc on aurait intérêt à être dans un champ gravitationnel plus fort, mais on ne va pas utiliser le Soleil pour ça. Voilà, en fait, le Soleil, c'est pas possible. D'accord. Il faudrait qu'on soit dans l'atmosphère du Soleil pour que ça marche. Oui, aïe, d'accord. Isabelle Petitbon, un mot quand même sur justement les projets à venir. Donc il y a ce LISA Pathfinder, enfin ce LISA d'ailleurs, LISA Pathfinder. LISA Pathfinder, c'est derrière nous. LISA Pathfinder, c'était une mission technologique. Voilà, c'était pour vérifier si on était capable un jour de fabriquer LISA. Exactement, LISA Pathfinder était une mission précurseur de LISA, dont l'objectif était de vérifier... typiquement qu'on savait atteindre le niveau de métrologie nécessaire pour détecter des ondes gravitationnelles. Alors parlez-moi tout de suite de LISA soi-même, parce que c'est une mission extraordinaire. Voilà. Donc LISA, c'est une mission qui est en train de démarrer. La phase A devrait démarrer. Donc c'est une mission qui est menée par l'Agence spatiale européenne, donc avec tous les pays européens partenaires. Les États-Unis devraient également participer. Ils sont revenus en force après avoir abandonné le projet en 2011, à la fois pour des raisons budgétaires, mais aussi parce que il y avait de gros points d'interrogation sur le fait qu'on puisse détecter des ondes gravitationnelles, à quel niveau. Bon, après les détections là, de 2015, 2016, 2017, là, les États-Unis reviennent en force et veulent participer à LISA. Donc, c'est un projet de 3 satellites en orbite, distants chacun de distants. Donc, ils forment un triangle équilatéral, distant de 2,5 millions de kilomètres. Donc ça forme... Chaque satellite est distant de l'autre de 2,5 millions de kilomètres. Voilà, oui. C'est ça. Donc, ce sont de gigantesques interféromètres dont l'objectif est de détecter des ondes gravitationnelles dans une gamme de fréquences extrêmement large. Et donc, on mesure la distance d'un satellite à l'autre par laser. Oui. Si je ne me trompe pas. C'est ça, ce sont des lasers. L'idée, c'est que si une onde gravitationnelle passe, quand une onde gravitationnelle passe, elle est capable de modifier les distances. Elle va déformer l'espace-temps. Donc déformer l'espace, pour le dire plus vite. Tout à fait. Les satellites vont se rapprocher ou s'éloigner. Selon le cas. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est de discriminer ces variations infimes dues à des variations de l'espace-temps, de bien sûr tous les bruits, toutes les perturbations qui ne manqueront pas d'arriver. Et donc on va détecter ces ondes gravitationnelles qui sont produites à l'occasion des événements spatiaux les plus énergétiques, comme les collisions de trous noirs, les fusions d'étoiles à neutrons, ce genre de choses. Alors, soit à l'occasion de collisions, comme ce qu'on a pu détecter avec LIGO Virgo, soit l'intérêt de LISA, c'est qu'on va pouvoir aussi détecter des ondes gravitationnelles beaucoup plus faibles que ce qui est détecté au sol. Et donc, parce que par exemple, quand on a un couple de trous noirs qui orbitent l'un autour de l'autre, ou un couple d'étoiles à neutrons qui orbitent l'un autour de l'autre, ils perdent de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles. Mais des ondes gravitationnelles qui sont beaucoup moins énergétiques que quand il y a coalescence. Donc ça veut dire que ce type d'onde... Quand il y a fusion. Ouais. Oui, voilà. Et donc ces ondes pourront être détectées par LISA. Donc on pourra observer l'évolution de ces couples pendant un certain temps. Et on pourra aussi avertir le sol que la coalescence ou que la fusion devrait avoir lieu à telle date. Et donc orienter tous les observatoires dans la bonne direction le moment venu. C'est vraiment une nouvelle astronomie qui s'ouvre. C'est un nouvel univers de là. La physique, ah c'est oui, une nouvelle fenêtre de la physique qui est en train de s'ouvrir. Ah oui, ça va être extraordinaire. Alors je vous rappelle que le mois prochain, on se retrouve un mercredi, le mercredi 14 février, Cosmoéthique pour une philosophie d'espace avec Étienne Klein et Jacques Arnoux. Donc c'est bien le mercredi 14 et non pas le mardi 13. On a vu qu'avec microscope, on est capable de faire de l'excellente science. C'est absolument remarquable. Avec le CNES, avec l'ONERA, qui d'un seul coup se trouve des missions scientifiques comme ça. Vous êtes à la tête d'une mission spatiale et scientifique. On est à 10 puissance moins 14 près. On fait 10 fois mieux qu'avant. On va peut-être aller jusqu'à 10 puissance moins 15. Avec un microscope 2, on ira peut-être jusqu'à un 10 puissance moins 17. Et on a bien compris qu'on est gagnant ou gagnant hein, avec microscope. Même si on n'arrive pas à montrer la violation du principe d'équivalence, et ben c'est quand même de la bonne science qui est faite. Ça permet d'éliminer certains paramètres et donc d'éliminer aussi certaines théories. On aimerait bien quand même que vous arriviez jusqu'à la violation du principe d'équivalence. Hein. Faites un petit effort quand même. Il y a un prix Nobel à la clé. On a bien compris que ce ne serait pas forcément pour vous deux, vous précisément, mais on serait quand même très très content que vous reveniez. Merci infiniment, Joël Berger et Isabelle Petitbon. Merci à vous tous. Par des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.